Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Mathieu Janvier sortira les dés et les pions pour jouer à des jeux de table dans Jeux avec Gogo. Et moi, je vais jouer avec vos émotions en vous faisant languir jusqu'à une grosse pointe adresse. Oh, ben Colin, j'ai déjà faim. Assemblage requis commence tout de suite. Ou soif. Je sais pas. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis. En ce jeudi 29 mars 2018, on est à 29 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plantin. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Mmh. Quand ça faisait 31 jours, j'ai dit qu'il restait un mois. Oui. À 30 jours, j'ai dit qu'il restait un mois, tu sais, plus de 30 jours, mettons. Uh-huh. Là, il reste un mois de février, finalement, mais plus sextile. OK. 29 jours. C'est bon, on aime ça. Et la semaine prochaine, quand on va se revoir, là, il va rester comme genre... beaucoup moins que ça. Ben oui, c'est certain, parce que sachez-le, c'est pas que ce week-end. Exactement, on va se revoir seulement mardi. Oui. Quand même. Petit congé. Quand même, ben oui, ce week-end. Là. On va être là vendredi. Hein, si oui, sachez-le. Et lundi, on va sûrement jouer aussi. Ben oui, clairement. Mais pour nous... Nous, on va être couchés. Hey, 4 jours où on peut dormir! Hey, ça se peut-tu? C'est incroyable. C'est pas du montage du journal, mon petit. Je vais saluer les dieux. Oui, salut Joe. Dieu. Jesus. Mon ami du baseball. C'est ça. Jesus. Bref, aujourd'hui, Tania, je suis son gars du baseball. Il n'y a pas de gars de baseball. Pas, non, vraiment pas. Aujourd'hui, à l'émission, en fait, on devrait avoir un plan quand même assez rempli, mais il n'est pas complètement 100% sûr. On pourrait avoir... Il n'est jamais vraiment certain. Hein? Est-ce qu'on sait vraiment où on s'en va dans cette émission-là? Chroniqueur étudiant, on ne sait jamais trop. C'est ça. À 7h30, ça se pourrait. Les chances sont là qu'on ait Gabriel Béhoud pour une chronique dans les coulisses de la Luître. Écoute, c'est 50. C'est soit oui, c'est soit non. C'est ça, peut-être là-dedans. À 8h30, lui, il est pas mal sûr, par contre. Ouais. C'est Mathieu Janvier qu'on adore. Il est là pour sa chronique de jeux de table. Il va nous parler d'une ribambelle de jeux. J'ai vu qu'il a posté comme 35 jeux sur Facebook. J'ai vraiment hâte. Ça va être la fin. Ça, c'est à 8h. Ensuite, à 8h30, David Ferron va être avec nous. Lui, on sait pas. Lui, d'habitude, il est là, mais on sait pas trop ce qu'il nous présente. Ouais. Donc, on le dira pas. Mais on va parler de bien des choses ensemble. D'après moi, ça va avoir rapport avec une espèce de concours européen. Ça ou des nouvelles du journal. Oui. Quelque exact. Chose comme ça, zone campus, on verra. Ta chronique s'en vient aussi, Tania. Je vais te dire de quoi tu nous parles aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous ai fait un petit accord mets et breuvage. C'est-à-dire qu'on devrait discuter de bière et vin. Et puis si on a le temps, je vais aussi parler alimentation avec vous. Et génial, ça. Ouais. Alors, on a aussi une grosse pointe d'adresse qui s'en vient à la fin de l'émission, bien sûr. On va goûter à un produit du tiroir. J'ai très hâte de te présenter ce que j'ai amené. Ouais. J'ai hâte aussi, tu me laisses languir, hein, on l'a dit. Mais écoute, j'y ai jamais non plus goûté. Ça s'est pris sur le fly. Ben, j'espère que j'ai pas goûté, c'est le but de la chronique. Non, j'y ai jamais goûté. Ouais. Ça s'est pris sur le fly et je sais pas si on va le regretter ce matin. Ah, ok. Est-ce que ça va être aussi mauvais que les choses qu'on a goûtées beaucoup trop salées dans les dernières semaines? Je peux pas dire, j'en ai aucune idée. Ouais. Ce que je peux dire par contre, c'est que malheureusement, j'aurais aimé le savoir 30 secondes à l'avance, mais on n'aura pas Gabriel Béhoud finalement. Donc, vous voyez, hein? C'est ça. C'est comme ça que ça se passe la vie. Je sais que t'as deux cases de chroniques aujourd'hui, donc peut-être qu'une chronique s'en viendra. C'est certainement. Peut-être très bien. Certainement. On va commencer avec son foutu palmarès. Moi aussi, je parle d'alimentation un petit peu. On va parler en fait de choses qui goûtent. Qui goûte beaucoup, des choses goûteuses. Ok. Oui. Tu sais, puissante. Ouais, un puissant goût. Puissant goût. Peut-être tomateux. Tes papilles gustatives capotent un peu. Genre, tu sais. T'en redemandes. Tu peux pas arrêter après une seule. On verra ce que c'est tout à l'heure. Mais pour l'instant, voici Galaxy. On commence ça avec Magie. We'll be right back. Magie Magie par Galaxy à Assemblage Rookie. À maintenant, c'est son foutu palmarès. Où on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, on parle de chips pour commencer avec Doritos. Quelques petits faits sur Doritos. Peu importe la saveur que vous aimez, là, fromage épicé, fromage plus épicé, fromage fromagé ou fromage. Sont tout le temps quelque chose au fromage. Au fromage, point. Pas mal ça, au fromage, bref. L'idée pour commencer des Doritos peut-être née dans une poubelle à Disneyland. Oh, d'accord. Ouais, les origines de Doritos sont un petit peu floues, mais au moins une histoire. Pardon, c'est rare que c'est sec dès le matin de même. Hein? Colin. Pardonnez-moi. Donc, au moins une histoire dit que l'endroit où ça aurait commencé, c'est l'endroit le plus heureux sur Terre, donc Disneyland. Au début, Disneyland avait un restaurant mexicain basé autour d'une autre croustille à base de maïs, Casa Refritos, qui offrait des tamales. Oui. Et bien sûr, des sacs de fritos. L'auteur Gustavo Arellano raconte dans Taco USA, How Mexican Food Conquered America, qu'un vendeur, un représentant de Alex Food au début des années 60, ceux qui fournissaient en fait Casa de Fritos avec ses ingrédients, voyaient les cuisiniers jeter des tortillas qui n'étaient pas commandées. OK. Que les gens n'avaient pas commandées. Le représentant a dit aux cuisiniers que dans le futur, ils devraient garder les tortillas et les faire frire pour faire des chips. Aha! Les gens aimaient beaucoup ces frites improvisées-là, tellement qu'on a fini par les mettre sur le menu. Et l'histoire raconte que l'année d'après, un exécutif chez Frito-Lay Arch West a visité le restaurant, a vu comment les chips de tortilla étaient populaires et a commencé à prévoir ça au niveau national. Mmh. Une chance! Parce que, Colin, que tu peux pas passer à côté de ça, c'est non, bon. Clairement. Mais les origines étaient peut-être pas si magiques que ça, nous dit-on. Même si l'angle Disneyland est assez intriguant, lorsque West est mort en 2011, l'annonce, son avis de décès, en fait, racontait une histoire un petit peu moins Disney que ça. Le Washington Post ne mentionne pas Disneyland du tout, disant qu'il était plutôt en vacances en famille dans le sud de la Californie en 1964, où il a acheté donc un sac de tortillas grillées, très très graisseuses, dans un petit shack. Sur le bord de la route. De façon similaire, le New York Times cite la fille de West, Jana Haker, qui se souvenait d'une vacance à San Diego, donc un petit voyage qu'ils ont fait. Ils étaient arrêtés dans un petit restaurant comme ça, où les gens fabriquaient des croustilles de maïs frites. Donc ça a peut-être pas rapport avec Disney. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça a pris du temps avant que la gamme de produits évolue un petit peu. Lorsque West a eu l'idée, il en a profité le plus possible. Il a dit à ses patrons chez Frito-Lay de faire du marketing sur ses croustilles de maïs grillées. Et Doritos donc est arrivé sur les tablettes américaines en 1966. Pour donner un petit flair sud-ouest aux croustilles, en 1968, Frito-Lay a amené les Doritos à saveur de tacos. Mm-hmm. Éventuellement, c'est devenu un des produits très bien vendus de la compagnie. Même chose pour le nacho cheese, fromage nacho de base, qui lui est arrivé plus tard, en 1972. Oh. Donc, le modèle qu'on connaît de base, le sac rouge, ben ouais, est arrivé plus tard que la saveur aux tacos. Eh ben. Ensuite, le Cool Ranch, très classique aussi, est arrivé en 1986. De délicieux modèles. Le nom n'est plus si précis que ça et si vrai que ça. En fait, la mention du mot Doritos, ça nous amène des visions de croustilles orange néon, mais le nom faisait à l'origine référence à la couleur qui n'avait pas de garniture au fromage dessus, parce que le nom Doritos veut dire « little golden things », donc « petits trucs dorés », comme la saveur originale des Doritos qu'on voit des fois dans les sacs rétro. Mm-hmm. Ça, c'est la formule un petit peu plus d'origine des Doritos, sans le fromage nacho dessus. Ensuite, une reformulation en 1992 avait un avantage assez spécifique. Lorsque Frito-Lay a changé la recette de la variété Nacho Cheese en 1992, c'était pour améliorer la saveur et créer un futur plus fromagé pour Doritos, mais à la place, ça a aidé les fans romantiques de Doritos pour une raison qu'on ignore, la formule reformulée, qui avait plus de fromage naturel, éliminait aussi l'haleine de Doritos. apparemment que l'ancien fromage qui était moins naturel, plus chimique, te donnait une haleine de Doritos. Ouais. Alors que là, le fromage nature plus récent, lui, n'a pas ça. Hein? Donc c'est l'arôme de cette chip-là qui restait bien longtemps après. Doritos a été encore une fois changé en 1994, mais encore plus. Alors, en 1994, Doritos faisait 1,3 milliard de dollars par année. C'était au sommet de la catégorie des collations. La compagnie parent PepsiCo ne voulait pas s'asseoir sur ses lauriers. Hein? À la place, PepsiCo a investi 50 millions de dollars dans ce que le New York Times a appelé le redesign le plus coûteux de l'histoire de Frito-Lay. Les Doritos revampés avaient plus de saveur, disait-il. Chaque croustille était 15% plus mince, mais 20% plus grosse. Les nouvelles croustilles avaient aussi des coins arrondis, alors que les anciens Doritos avaient des coins coupants un petit peu. Donc c'était un triomphe pour les fans qui voulaient pas se percer le palais. Mm-hmm. Le directeur des produits de maïs chez Frito-Lay, il y a vraiment un Director of Corn Products. Jerry Vogel a dit au Times qu'ils sont plus faciles à manger sans les coins coupants. Et les miettes au fond du sac venaient en fait des coins des chips qui se défaisaient. Donc c'était du gaspillage. Les gens des fois jetaient les coins parce que ça finissait au fond du sac. Avec les coins ronds, il y avait moins de chances que ça arrive. Il restait juste de la poussière de nachos. Il y a des saveurs un petit peu plus fofolles que d'autres. Hein? Si vous êtes allé du nacho cheese de Cool Ranch, vous pouvez aller voir ailleurs dans le monde parce que le Japon a une saveur qui est tuna mayonnaise Doritos. Donc des Doritos au thon et à la mayonnaise. Pas sûr, pas en tout. Il y a aussi des Doritos au clam chowder, chaudrée de palourde. Les gens en Turquie aiment bien les Doritos yogourt et menthe. Mm-hmm. Okay. Et en Belgique, on offre des Doritos pur paprika. Oh, OK. Intéressant, ça. Je goûterais bien. Pur paprika, ouais, moi, ouais. Peut-être que j'essaierais celle-là, mais ton mayonnaise, pas sûr. Non. Ensuite, les vedettes d'Hollywood adorent la poudre de Doritos. Lorsque Jennifer Lawrence s'est mérité un Oscar pour meilleure actrice de soutien pour son travail dans le film de 2013 de David O. Russell, American Hustle, au moins quelques petites miettes de particules de Doritos étaient là. Le designer des costumes Michael Wilkinson a révélé dans un panel de discussion couvert par Vanity Fair que Lawrence avait taché certains de ses costumes avec des miettes de Doritos. Oh. C'est vrai. Wilkinson avait fabriqué 4 versions d'une robe blanche pour le personnage de Lawrence dans le film. Et pendant le panel, il a expliqué qu'il était content d'en avoir plus qu'une parce que disons que Jennifer Lawrence mange des Doritos avec son costume. Les cuisiniers, les gens qui aiment faire à manger à la maison, hein, peuvent fabriquer leur propre poussière de Doritos. Ah ouais? Oui. Un petit peu de poussière de Doritos, c'est très, très excellent. Les cuisiniers professionnels adorent les possibilités de la poussière de Doritos comme assaisonnement sur des légumes, sur du popcorn. Mais si vous n'avez pas de sac de Doritos pour fabriquer vos propres miettes, parce que bon, on conseille de prendre des Doritos et de les faire en morceaux, mettre ça dans un moulin à poivre, ça se fait très bien. Mais si vous n'avez pas de Doritos avec vous et que vous voulez avoir le même goût, un petit peu. On a des découvertes de recettes sur assemblagerequis.com pour imiter le fromage nachos et Cool Ranch aussi. Donc, si vous voulez faire ça sans avoir à acheter des chips Doritos. Les Doritos Locos Tacos étaient un encore plus grand succès qu'on aurait pu penser lorsque Taco Bell a amené les Doritos Locos Tacos en 2012. La franchise... de la franchise vaguement mexicaine a contribué à l'histoire. Là, on parle de Taco Bell ici, hein? Taco Bell. On dit qu'ils étaient tellement intrigués par l'idée de ce taco à la saveur de Doritos Locos Tacos, c'est ce qu'ils ont fait et ça, ils l'ont essayé, ça a fonctionné. Ça se vendait avec 1 million de tacos orange par jour. Donc, on parle vraiment de taco pour Taco Bell, mais avec la saveur des Doritos Locos Tacos autour. Bref, c'était si populaire que la compagnie a fait des tonnes de profits et ça a amené beaucoup de profits aussi pour la compagnie parent qui est Yum Brands. Les fans de ce taco-là, un petit peu particulier, stressaient en mai 2015 quand Taco Bell a annoncé qu'ils allaient enlever les saveurs artificielles et le colorant artificiel de ses aliments d'ici la fin de l'année. Mais rien ne pouvait empêcher le Doritos Locos Taco. Donc Taco Bell a rapidement annoncé que le produit en tant que tel, lui, serait pas affecté par cette nouvelle politique. Donc les tacos Doritos Locos Tacos continuent à avoir les mêmes trucs artificiels parce que c'est pas affecté par cette nouvelle politique-là. Et on termine en disant que les extraterrestres ont peut-être envie d'un sac de Doritos. Peut-être. Les Doritos n'ont même pas encore 50 ans, mais ils ont déjà conquis le marché des collations. Et où est-ce qu'on va se trouver des nouveaux clients? Ben, on nous dit dans l'espace. En 2008, Doritos a utilisé un transmetteur dans le cercle arctique pour envoyer une de ses publicités britanniques à 42 ans de distance dans notre système solaire, dans Ursa Major. La campagne publicitaire a probablement pas vendu les sacs de Doritos, mais le New Scientist dit que l'agence qui opère la station, qui a transmis le message, a reçu un don de la part de Doritos pour avoir embarqué dans le petit jeu. C'est cute, hein? Mm-hmm. On a terminé avec Doritos et on va y aller avec le ketchup maintenant. Les faits sur le ketchup. Le meilleur ami des frites. Ben oui, clairement. Ben oui, comment manger des frites sans ketchup? C'est pas bon. Les tomates n'ont pas toujours été un aussi grand joueur dans le monde du ketchup. En fait, la première recette de ketchup nous vient de 544 avant J.C. en Chine. C'était une sauce à base de poisson que les marins appelaient du quai, trait d'union, chop. Ah, OK. Ketchup. Une pause en mots. Donc, c'est l'intestin, l'estomac et la vessie d'un poisson, le yellowfish, le requin et le mulet. Je sais pas trop en français on dit ça comment, mais je m'en fous. Et 20 jours d'incubation sous la lumière du soleil avant d'être prêt à être consommé. Au printemps ou à l'automne, on augmente l'incubation à 50 jours ou même encore plus 100 jours pendant l'hiver. Délicieux. Les explorateurs européens ont ramené ça à la maison. Selon The Oxford Companion to American Food and Drink, les voyageurs britanniques ont développé un goût pour cette sauce-là et ont essayé de la copier à la maison. Mais ils ont eu un petit problème, les grains de soya, un ingrédient crucial dans la version asiatique, poussaient pas en Europe. À la place du soya, les chefs européens ont fait des expériences avec des huîtres, des noix et des champignons comme base, mais aucun ne goûtait comme il faut pour ces frites-là, pour tremper ces frites. Ensuite, les Américains ont ajouté des tomates. Peut-être, c'est ce qu'on pense, malgré la difficulté que les Européens avaient à répliquer, à copier-coller cette recette de ketchup à base de soya. Ils n'étaient pas prêts à se rendre jusqu'au ketchup aux tomates. En fait, ça a été un problème pendant plusieurs siècles. Les Européens travaillaient en pensant que les tomates étaient quelque chose de poison. Ouais. Ah, OK. Ouais. Les Américains, eux, par contre, ils savaient que c'était pas poison et avaient tendance à vouloir les essayer. Donc, la première recette écrite pour du ketchup aux tomates vient de Philadelphie, d'un horticulturiste. Oui. Horticultivateur, je sais pas. Bref, James Meese, en 1812, sa recette contenait des épices, du brandy et des tomates, ce que les scientifiques, de ce moment-là, appelaient des pommes d'amour. Love apples, les tomates. Le ketchup était un médicament miracle. En 1834, un officier de l'Ohio, Dr. John Cook Bennett, est allé voir les journaux, les médias, pour parler, dans le fond, que les tomates étaient une bonne cure pour à peu près tout, jusqu'au choléra. Hein. Dans sa campagne, le bon docteur a publié une recette pour un ketchup basé sur les tomates. Ben oui. Bien sûr. Au début, par contre, c'était difficile. Le ketchup avait une mauvaise réputation dans les années 1860, où les fabricants utilisaient des agents de conservation à l'excès et du goudron, coal tar, pour donner au condiment sa couleur rouge si connue. En 1866, l'auteur de livres de cuisine français, Pierre Blot, a écrit un avertissement par rapport au ketchup disant que c'était sale, décomposé et putride. Donc, il disait au départ que c'est... Oui, que plusieurs cas de débilité venaient après avoir mangé du ketchup. Ouais. Mais bref, ça n'a pas vraiment fonctionné pour lui d'essayer d'empêcher le ketchup d'avancer. Le Oxford Companion, dont on a parlé tantôt, dit qu'à la fin du 19e siècle, le ketchup aux tomates était devenu une icône américaine. En 1901, une étude nous apprenait que les gens qui magasinaient au Connecticut avaient accès à 94 marques de ketchup différentes. Heinz a fait beaucoup plus que seulement 57 variétés. Harry J. Heinz a vu une publicité pour des souliers. En fait, ça disait 21 styles de souliers alors qu'il se promenait en train à New York en 1896. Et c'est ça qui l'a inspiré à créer une marque similaire pour sa propre compagnie. Vous avez certainement vu sur les bouteilles de ketchup. Mais à oui. 57 variétés. Donc, la compagnie de Heinz fabriquait beaucoup plus que 60 produits, mais l'entrepreneur trouvait que 57 variétés, ça sonnait bien. Pourquoi? Rien de mieux. Parce que c'est un amalgame de son chiffre chanceux 5. Et 6? Et celui de sa femme 7. Ah! Ça fait 57. Ouais. Ouais. Le ketchup était un bon coup pour Heinz. Quelle est la différence entre le ketchup et le catsup, C-A-T-S-U-P? Ben, il n'y en a pas vraiment, en fait. C'est que Heinz a commencé à appeler son produit ketchup, K-E-T-C-H-U-P, pour se démarquer de ses compétiteurs qui vendaient, eux, du ketchup, C-A-T-S-U-P. Étant donné l'ubiquité maintenant du ketchup Heinz, on peut se dire que ça a fonctionné parce que les gens, maintenant, même si c'est pas un ketchup... De Heinz, on l'appelle par l'épellation de ketchup. Ketchup, ouais. Mais c'est pas du vrai ketchup si c'est pas du Heinz. C'est ça. Ah, ça, je suis d'accord. C'est un des produits qu'on dit tout le temps, achetez pas la marque d'épicerie. Ouais, exactement. Ça marche pas. c'est pas la même chose. Par contre, celui de French's est pas mauvais. Oui. Quand même bon. Heinz, son chiffre, son numéro 57 a d'autres utilisations que seulement du marketing. C'est pas seulement ça, c'est aussi une composante d'un hack qu'on appelle un life hack, là, pour modifier ta vie, comme on fait des fois dans les instructions d'assemblage. Bref, pour aider à faire sortir plus de ketchup dans la bouteille de vitre de Heinz. Selon la compagnie, on applique le dernier tap-tap directement sur le 57 de la bouteille. C'est le truc pour faire que le ketchup va mieux couler de la bouteille de vitre. Mm-hmm. C'est vrai. Donc, Heinz dit que seulement 11% des connaisseurs du ketchup sont au courant de ce truc. Et moi, je dis beaucoup moins que 11% des gens doivent acheter des bouteilles de vitre. Ouais. Tu sais, ils en vendent, il y en a, ça, ces tablettes, mais d'après moi, il reste longtemps. Oui. Quand tu as accès au squirt, c'est sûr. Pourquoi tu prendrais la bouteille de vitre? Mais bon. Sûrement parce que ça se recycle le mieux. Ah, possible. Les gens qui sont environnementaux, peut-être. Ouais. Le ketchup ne gagnera pas de course. Ah non? Okay. Non, justement, par rapport à la bouteille de Heinz, le ketchup sort à un rythme de 0,28 miles à l'heure. Par comparaison, un escargot, lui, avance à un très rapide 0,03 miles à l'heure. Et ça, en kilomètre-heure, ça nous fait 45,06 mètres à l'heure. Mm-hmm. Pas kilomètre, mètre. Converti en kilomètre, c'est presque rien. Ouais, c'est long, c'est long. L'Illinois a beaucoup de records du monde pour le ketchup. Ah ouais? Collinsville en Illinois est fier d'avoir deux records du monde reliés au ketchup. La plus grosse bouteille de ketchup est dans les limites de la ville. Elle mesure 170 pieds de haut. A été construite en 1949 pour une usine d'embouteillage de ketchup G.S. Supiger à Collinsville. La ville a aussi le plus gros sachet, tu sais, les petits sachets oui. de ketchup. En 2007, ils ont fabriqué ça. Et Heinz a donné 4000 bouteilles de ketchup de vitre. Wow. Pour pouvoir remplir ce sachet-là qui contenait 127 gallons de ketchup. C'est des records utiles. Oui, c'est ça, exactement. Et pour terminer, les Américains aiment vraiment beaucoup leur ketchup. Ben oui! Ben oui, selon le Oxford Companion, les Américains mettent 10 milliards d'onces de ketchup sur leur nourriture chaque année. C'est environ 3 bouteilles de ketchup pour chaque homme, enfant et femme, homme, femme, enfant, peu importe l'ordre, wow. Dans les États-Unis. C'est incroyable. 3 bouteilles de ketchup par année. Hey, j'ai même pas de ketchup chez nous. Hey, peux-tu ketchup chez mais vous? C'est vrai. Ouais, mais des fois, t'en aurais besoin. Ben, pourquoi? Un jour, des frites, non? Non? Je mange pas de frites. Je mange pas de frites. T'es trop santé, toi. Ben non, mais... T'sais, juste assez. C'est parce que je me suis toujours dit, si j'en achète pas, j'en aurais pas besoin. C'est un très bon point. Je devrais m'inspirer de ça, mais... C'est trop bon. La même chose sur la mayonnaise. J'ai pas de mayonnaise chez moi. Même de la légère? Non, même de la légère. Même de la sangra, ouais. Smart choice. Ben, tu fais bien. J'utilise du yogourt grec à la place. Bien. Voilà pour son foutu palmarès. Les liens sont sur assemblagerequis.com, note de l'émission numéro 1227. On prend une pause au retour. J'ai une surprise, en fait. Tantôt, j'ai annoncé que Gabriel Béhoud ne serait pas là. Ouais. C'est vrai qu'il sera pas là en personne. C'est vrai. Mais on va lui parler par téléphone. Ben oui. Au retour à Assemblage Requis. Reste... Gather round, start joining hands. c'était Mimicking Birds avec Sunlight Days à Assemblage Requis. Maintenant, c'est Agnès Gonin-Tutin. C'était une petite Tania qui voulait être pompe des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna dream. C'est sec aujourd'hui, j'ai de la misère. C'est très très sec, en fait. C'est sec un peu partout présentement. Ouais, ça n'a aucun sens. Bref, Tania. Oui. Hein, première chronique de deux aujourd'hui. Oui, tout à fait. On va parler d'alcool. Non, on commence en fait par l'autre sujet. On parle d'alimentation. On finira tout ça par l'alcool un petit peu plus tard dans l'émission. Mais vous l'avez peut-être remarqué, ça fond, mesdames, messieurs. Oui. Ça fond. Ce qui veut dire. Sortez le barbecue. OK. Sortez-vous à saucisse. Ça, Wow. Parler de barbecue, moi. par contre, faites attention, parce que griller ou cuire à haute température de la viande ou du poisson, ça pourrait augmenter vos risques d'hypertension artérielle. Et c'est drôle, parce que je me serais dit plutôt le contraire. Ben oui. Je me suis dit, tu fais cuire à haute température ta nourriture, donc automatiquement, le gras va tomber. Oui. Pourquoi est-ce que ça augmente le risque d'hypertension artérielle? Bien, c'est la saison des repas en terrasse, là, comme avec le barbecue, comme je le disais tout à l'heure, qui reprend vraiment là, son droit au Québec. On va en voir de plus en plus sur les balcons, sortir sur les terrains. Le printemps est arrivé. Ça ressemble peut-être pas à ça pour le moment. Mais sachez-le, t'sais, la date a été là. Hein? C'est le printemps, madame. Ils ont juste mis la date trop tôt. Exactement. Et tout le monde veut en profiter un maximum jusqu'à la fin de l'été. Donc, que ce soit chez vous, que ce soit chez des amis ou en week-end, en camping ou peu importe, vous allez probablement faire griller de la nourriture sur votre barbecue. Et quand je parle de faire griller de la nourriture sur votre barbecue, eh bien, je vise vraiment là, les viandes rouges et les poissons qui peuvent justement augmenter votre risque d'hypertension artérielle. Pour ceux qui ne savent peut-être pas qu'est-ce que les hypertensions artérielles, ouais. Bien, c'est justement tout ce qui va avec le cœur, donc la pulsation du cœur, les veines autour du cœur, tout ça... Ça fait en sorte que ça aide votre sang à bien circuler dans votre corps. Et si vous avez des problèmes cardiaques, bien c'est souvent causé par hypertension artérielle. Donc, parmi les personnes qui mangent régulièrement de la viande, du poulet ou encore du poisson, et ceux qui vont le griller ou encore le rôtir sur le barbecue à des températures quand même assez élevées, bien vous allez être susceptible de développer une tension artérielle qui va être très élevée. C'est une étude préliminaire qui a été présentée à l'American Epidemiology and Prevention of America en mars 2018, donc c'est très récent. Mais on a quand même passé beaucoup de temps à analyser cette fameuse situation parce que les chercheurs ont analysé les méthodes de cuisson et le développement de l'hypertension artérielle chez les personnes qui, justement, consomment régulièrement du bœuf, de la volaille ou encore du poisson sur barbecue. Donc, les chercheurs ont utilisé des données qui provenaient, attention, de 32 925 femmes de l'étude Nurses Health Study et 17 100 hommes de l'étude Health Professionals Follow-up Study qui se sont suivis de données sur la santé des professionnels de la santé. Donc, c'est des informations qui ont été détaillées sur la cuisson, qui ont été recueillies dans chacune de ces études. Et là, on s'entend, c'est à long terme parce qu'on parle quand même de plus de 40 000 personnes. Donc, veux pas, il faut analyser toutes ces fameuses petites données-là. Et bien, les informations ont été recueillies dans chacune des études. Et il n'y a aucun des participants qui avait d'hypertension avant de faire cette fameuse étude-là. Aucune personne n'avait de diabète. Aucune personne n'avait de maladie cardiaque ou encore de cancer au moment de l'inscription à cette fameuse étude-là. Tu le disais tout à l'heure, c'est sec en mots. Ouais, ça se peut pas, hein, pour vrai, on a de la misère à parler. Tania est sur le gourou ce matin. Mais, boisson québécoise, diète. Oui, exactement. Ah ouais. Mais il y a 37 000 personnes qui ont développé une hypertension artérielle au cours du suivi de cette étude-là, qui a quand même duré entre 12 et 16 ans. Donc, on s'entend, c'est une bonne étude. c'est bien évidemment des données qui sont très, très longues à devoir récupérer parce que, veux pas, on s'entend, 12 à 16 ans, il faut que tu en fasses griller en tabarouette du bœuf. Donc, de ce côté-là, ils ont recueilli ces données-là et ça a donné des résultats qui sont quand même assez surprenants parce que parmi les participants qui ont déclaré avoir mangé au moins 2 portions de viande rouge, de poulet ou de poisson par semaine, eh bien, l'analyse a révélé que le risque de développer une hypertension artérielle était de 17 % plus élevé chez ceux qui grillent ou rôtissent le bœuf, le poulet et le poisson plus de 15 fois par mois, comparativement à moins de 4 fois par mois. Donc, si on se rappelle, ici au Québec, on a déjà parlé un petit peu de où ça venait, ce fameux régime alimentaire canadien-là. Si vous ne savez pas d'où vient le régime alimentaire canadien qu'on connaît aujourd'hui, qui nous dit qu'on doit manger de la viande rouge, eh bien, sachez que ça date du temps de la guerre. Oui. Le Canada, nos soldats n'étaient pas assez gros. Non, bon. OK? Les Canadiens, les petits soldats, ils étaient petits. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Ils n'étaient pas fait gros. Alors, le régime alimentaire canadien a été vraiment formé pour les hommes qui allaient s'en aller à la guerre. C'est-à-dire qu'on voulait les grossir. On voulait les rendre forts. On voulait leur donner de la force. Donc, dans le régime alimentaire canadien, on a imposé des portions de nourriture avec de la viande rouge, avec de la volaille, avec du poisson et surtout des patates. Parce qu'on voulait que ces soldats-là puissent aller de l'autre côté, c'est-à-dire en Europe, ouais. Et être capables de se battre sans nécessairement revenir ici et être complètement démolis. On les voulait dodus. On voulait pas nécessairement qu'ils soient dodus, mais on voulait qu'ils soient, ouais, c'est ça. On voulait qu'ils soient un peu plus robustes, un peu plus grands, un peu plus gros, pour justement être d'attaque envers les autres armées. Ce régime alimentaire canadien-là a pas changé depuis ces années-là. Ouais. Ce qui fait en sorte que lorsque vous étiez jeune, vous avez probablement mangé une bonne portion de viande rouge, bonne portion de volaille et une bonne portion de poisson et patates, considérant le fait que le régime alimentaire canadien n'avait pas changé depuis. Il y a des modifications qui s'en viennent, on le sait, ça fait des années que les gens en parlent. Et c'est pas tout le monde qui suit ça de toute façon. Exactement, ce qui fait en sorte que quand on était un petit peu plus jeune, il y avait fortement de chances qu'on mange de la viande 3 à 4 fois à semaine, ouais. sous les maisons québécoises et canadiennes. Donc, il y a 15 % de chances de développer une hypertension artérielle qui est beaucoup plus élevée chez ceux qui préfèrent leur nourriture très cuite, comparativement à ceux qui préfèrent les viandes un petit peu moins cuites. C'est-à-dire, médium saignant, pour eux, c'est calculé comme étant moins cuite. Quelqu'un qui mange ça... Smell the butt! Il y a 15 % de plus de chances que vous ayez des problèmes au niveau de votre hypertension artérielle. Par la suite, il y a 17 % de chances plus élevées que ceux qui ont consommé les niveaux les plus élevés d'amines aromatiques hétérocycliques par rapport à ceux qui avaient la consommation plus faible. Donc, c'est quelque chose qui se retrouve à l'intérieur des viandes. C'est une espèce d'amine à l'intérieur de la viande rouge. Eh bien, les amines aromatiques hétérocycliques, ce sont des produits chimiques qui sont formés lorsque les protéines de la viande sont carbonisées ou encore lorsqu'elles sont exposées à des températures extrêmement élevées. OK, donc les petites croûtes là, de brûlé qu'on aime tant, qui goûtent super bon, là, ça crée de l'amine... C'est en plein ça. Ouais. Et ça crée de l'hypertension artérielle. Donc, ce sont des contaminants environnementaux qui sont majoritairement présents dans la viande cuite et la fumée de cigarette. C'est la même composante, dans le fond. Ben, voyons donc. Oui. C'est drôle parce que... mieux fumer du jerky qu'une cigarette. Ben, on s'entend, hein? ça goûterait probablement meilleur. Et il y a des faits importants aussi parce que les chercheurs ont noté que il existait certaines relations entre la température de cuisson, la méthode de cuisson et l'hypertension artérielle qui étaient indépendantes de la quantité ou du type de nourriture qu'on consommait. Donc, il y a des chiffres qui, évidemment, on s'attendait déjà à ce qu'on se fasse dire « manger de la viande, c'est pas super bon pour la santé, finalement. » Parce qu'on a changé notre mode de vie. On passe plus nécessairement beaucoup de temps à l'extérieur. On s'entend que lorsque le régime canadien alimentaire est sorti, les gars qui s'en allaient à la guerre, la plupart du temps, c'était des farmers. Hein? Ouais. Et ces farmers-là, ben, ils étaient shapés comme des farmers qui bûchaient à longueur de journée. Donc, ils étaient maigres, veux pas. Et il fallait justement les rendre un peu plus forts. Mais au cours des années, à la suite de la guerre, ça allait changer ce mode de vie-là, mais notre régime alimentaire a jamais changé. Donc, ça a resté la même chose et ça a fait en sorte que les Canadiens, aujourd'hui, sont quand même plus robustes, plus grands, parce qu'on a une alimentation qui a été basée vraiment très longtemps sur la considération qu'il fallait prendre du poids et sur la considération qu'il fallait être fort durant l'hiver. Ouais. Donc, de ce côté-là, c'est sûr et certain qu'on s'attendait à ce qu'on nous dise à un certain moment, manger autant de viande, c'est pas super bon. Mais de là avoir des chiffres sur l'hypertension artérielle aussi élevés, c'est un petit peu alarmant. Je te dirais qu'il y a déjà en partant un mode de vie qui change depuis quelques années, depuis quelques mois aussi, et ça devrait être pour le mieux. Mais les produits chimiques qui sont produits par la cuisson des viandes à haute température, bien, c'est induit un stress oxydatif, donc c'est une inflammation et une résistance à l'insuline dans les études animales et ça cause en fait que vos voies peuvent également conduire à un risque élevé d'hypertension artérielle. Donc, c'est un stress que votre corps va ressentir lorsqu'il va manger cette espèce de carbonisation-là. Si délicieuse. Si délicieuse, oui. Et qui va créer justement cette hypertension artérielle-là. On s'entend se manger de la viande une fois par semaine ou une fois par mois. C'est pas grave. Nous, on parle de manger 3 à 4 fois de la viande carbonisée ou de la viande cuite à hypertension, là, à haute température, plusieurs fois par semaine. Tu peux manger quand même de la viande si tu ne fais pas autant cuire que ça. T'as exactement. Pas autant de danger. Ben oui, tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que le stress oxydatif, l'inflammation et la résistance à l'insuline, ça affecte les parois internes des vaisseaux sanguins. Et c'est ça qui est associé au développement de l'athérosclérose. C'est le processus pathologique, en fait, qui est sous-jacent à la maladie cardiaque et au rétrécissement des artères. Donc, quand on entend souvent dire quelqu'un « j'allais me faire déboucher à Montréal », c'est parce que les artères autour du cœur étaient bouchées. Et après, souvent, t'as laissé le boucher, tu c'est vas te faire ça, exactement. Et c'est souvent ça qui va être créé par le stress oxydatif, l'inflammation ou encore la résistance à l'insuline qui est causée par les nourritures qu'on mange sans nécessairement s'en rendre compte parce qu'on croit en fait qu'en cuisant notre viande à haute température, on va faire fondre le gras, on va faire fondre tout ce qui est mauvais en fait dans la viande et là on se rend vite compte avec cette étude-là qu'en fait on avait tout tort. Mm-hmm. C'est important de noter aussi que l'étude identifie une tendance mais prouve pas la cause à effet. Évidemment. On s'entend, il y a une habitude de vie aussi qui rentre avec tout ça. Donc, les résultats sont limités parce que les données provenaient de questionnaires qui comprenaient pas nécessairement certains types de viande, comme par exemple le porc, l'agneau ou le gibier. Et ça concernait pas non plus certains modes de cuisson, comme le fait de cuire à l'étouffer ou de le faire sauter dans une poêle, parce que le niveau de température est pas le même. Donc, comme les participants étaient tous des professionnels de la santé et surtout du type caucasien, bien les résultats... oui, exactement. Les résultats pourraient ne pas être généralisés à des groupes ethniques non plus. Les chercheurs ont conclu, par exemple, que les résultats suggèrent que pour aider à réduire ce risque d'hypertension artérielle-là, bien, c'est plus sage de limiter la consommation d'aliments qui est trop cuit ou trop grillé. Et bien entendu, le but ici, c'est pas de dire adieu à votre barbecue, là. C'est vraiment pas ça. Tout à l'heure, en débutant la chronique, je parlais que oui, les barbecues vont sortir. Sortez-le pareil. Ben oui. Vous pouvez faire de la nourriture dessus, même si vous êtes carnivore ou végétarien ou peu importe. Mais c'est simplement de prendre conscience que la cuisson à haute température et les grillades, c'est à consommer avec modération. Ouais, c'est pareil comme pour les bien cuits. Exactement. C'est insultant, des fois, faites attention, elle n'est pas trop intense sur les commentaires. C'est ça. Il faut faire attention. Sur le père du gars, parce qu'il va te lancer un ballon de soccer d'en face puis t'envoyer promener comme l'Université Laval. Hein? Oui, exactement. Merci, Tania. Hey, ça fait plaisir. Hey, Tania Sgolé Entertainment, une autre chronique tantôt. Et là, si j'ai remis ça dans l'ordre, là, ça veut dire que tu vas nous parler tantôt de bière et de vin. Oui. Alimentation en premier, bière et vin après. Tantôt. Exactement. Voilà. Mais avant ça, faut pas se tromper quand on revire notre viande pour se la mettre dans la bouche. Faut pas se revirer les lèvres. Mm-hmm. Genre, voici nos lèvres retournées avec Maud Audet. Des fois, tu fais griller tes lèvres. Ouais, c'est ça. Hein? Tu vois derrière mes yeux, je me trouve dans les tiens. Sur nos peaux qui se craquent, brillent nos lendemains. Et même si tout se brise, que l'hiver se retient, on chasse les hantises, on fraye les matins. Je t'aimerai plus fort, toi qui les semi-creux. Tu inventes si bien, tu guéris tous mes bleus. Nos jambes seront croches, on se moquera de nous. Thank you. sera pas. Moi, je veux qu'ici une douce brise à l'abri pour une fois. Dis-moi, mon petit, que la grande averse ne s'installera pas. Moi, je veux la mer comme une caresse bien petite dans tes bras. Si la avec la pièce On s'aimera, et c'était précédé d'une autre pièce qu'on a entendue juste avant par Maud Audet, à Nos lèvres retournées. On prend une pause au retour à la chronique Shrek. Avec Mathieu Janvier, et on va parler de toutes sortes de jeux. En fait, j'ai demandé de quelles sortes de jeux on parle. Oui. De toutes sortes de jeux. Toutes sortes c'est de ça. Jeux. Fait que restez là. Assemblage de qui? Que toi aujourd'hui? Assemblage de qui? Assemblage de qui? Pour toi aujourd'hui. Assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de qui? Pour toi aujourd'hui. Assemblage de qui? C'est la deuxième heure d'Assemblage Requiem ce jeudi 29 mars 2018. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. On a mis en parler aujourd'hui. Ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable. Je sais pas ce qui se passe avec ça. Je sais vraiment pas. On va voir si Mathieu Janvier. Mathieu Janvier, je l'ai mis à dire ton nom. Mathieu Janvier. Ouais, j'ai pas réchauffé ma voix. J'espère que ça va aller. Oh, mimi. C'est ça. Mathieu Janvier, donc, qui est là pour sa superbe chronique. Je vais go, go. Et c'est la troisième partie cette fois-ci. Et il n'y a pas vraiment de thématique, si je comprends bien, cette semaine. On parle de plein de choses. Si tu te rappelais, la semaine passée, j'avais dit qu'on parlerait de termes. On explique les termes de jeu. Exact. Mais là, finalement, j'avais beaucoup de stock, fait que je vais le faire en deux parties. OK, parfait. Cette semaine, je vais parler des différentes classifications de jeux. OK. Donc, on a des jeux. Non, pas non. Parce qu'il y en a aussi. Des jeux de société à Kiki. Mais mettons que leur valeur comme de mécanisme de jeu laisse peut-être plus à désirer. Ah, OK, OK. Ouais. En tout cas, jeu gonflant. Ceux que j'ai vus, là. C'est pas le genre de jeu, là, Mathieu. Il y en a, puis c'est pas mal drôle aussi. Ah, oui. Je parle pas d'adultes, là. Je parle pas toute la famille. Ah, là. Cool. Ouais. Qui est le mec, là? Check ça. Ah, ouais. OK, OK. Non, mais ce que je vais parler aujourd'hui, c'est les différentes catégories de jeux. Mettons, on a vu la semaine passée les jeux pour les familles. Mm-hmm. Oui. Les jeux entre amis. Oui. Bon, ben je vais parler de ça. Je vais moins en parler aujourd'hui, mais je vais parler des autres grandes catégories de jeux avec des exemples. Mm-hmm. Puis la semaine prochaine, ben je pourrais parler vraiment des mécanismes de jeu. Génial. Mais j'avais vraiment beaucoup de choses à dire. Pour ceux qui veulent du visuel, il y a des photos sur la page Facebook en ce moment et la vidéo va être sur YouTube après. Exact. C'est bon, ça? Oui, c'est Allons-y. Super. Donc, c'est ça, je vais vraiment présenter un genre de lexique, puis c'est quelque chose que, moi, c'est classé selon mon expérience, mm-hmm. là, c'est pas, y a pas une classification officielle. On va dire que t'es pas mal un expert dans les jeux de société. T'as... Ben, il y en a qui en connaissent plus que moi, mais je pense que j'en connais quand même un bout, là. Ouais. Puis ces classifications-là, faut les voir un peu comme, tu sais, à l'école, là, on apprenait l'histoire, là, mm-hmm. mettons l'Antiquité, le Moyen-Âge, mm-hmm. mais on fixe des dates de début et de fin, mais c'est vraiment juste à titre indicatif. C'est lousse un peu. C'est ça, parce que c'est pas du jour au lendemain qu'ils se sont réveillés. Ah, on était à Renaissance, hein, au Moyen-Âge. Ben pour les ça, aujourd'hui, je fais le Renaissance. Je fais le Renaissance. Ouais. Ben pour les jeux, c'est pareil. On crée des boîtes, on les met dans des boîtes. Ben finalement, les jeux, ben, des fois, ils ont des aspects différents qui font qu'ils se promènent d'une catégorie à l'autre. Les étiquettes, on tient. On a tous envie de mettre des étiquettes sur les choses, mais c'est pas nécessairement ça. J'aime bon faire. Exactement. Et il y a aussi des jeux qui vont présenter des aspects de plusieurs catégories. Oui. Donc, dans ces cas-là, on parle de jeux hybrides. Mm-hmm. OK. Mais est-ce que tel ou tel jeu appartient plus à une ou une autre catégorie? Ça dépend de dans quel contexte on l'amène. Est-ce que les créateurs font exprès pour avoir genre un jeu qui a le plus de catégories possibles? Un peu comme les bandes de musique, des fois, vont être. Ils vont avoir 5-6 mots avec des traits d'union entre chaque. Est-ce que tu peux avoir un jeu de ci, ça, ci? Je pense pas que c'est une des priorités essentielles lorsqu'ils créent le jeu, peut-être. Mais ou ça peut être aussi une façon de s'inspirer. Là, mm-hmm. J'aimerais faire un jeu qu'on peut jouer à 20, mais qui a quand même de la stratégie. Bon, ça serait peut-être difficile, mais ça se peut. Mais d'habitude, je pense que c'est plus une fois que le jeu est publié, que le monde y joue, ça va se placer. Là, nous, on trouve que c'est plus tel genre de jeu. Si tu veux que le jeu ait du succès, il faut que ce soit quand même relativement compréhensible pour le joueur aussi. Oui, bien sûr. Mais vous allez en voir, je vais en sortir des pas mal compliqués aujourd'hui. Ooh, cool. J'ai pas amené mes plus gros, là, mais dans des plus gros. Donc, on avait déjà parlé la semaine passée des jeux de vitesse. Oui. Mm-hmm. On avait vu Double, on avait vu Ghost Blitz, on avait vu quelques jeux. Donc, ça, c'en est une catégorie là, dans les jeux de famille, mais mm-hmm. tu sais, c'est vraiment une catégorie qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux dans ce type-là. Des jeux qui jouent très rapidement, là, 10 minutes. Oui, ouais. Puis c'est souvent une question aussi de attraper ou taper ou de dire quelque chose. Exact. Ouais. Crier. On avait vu aussi les jeux de dextérité. Mm-hmm. Oui. Fait qu'on avait vu... c'est quoi? Les billes, hein? On avait vu, ouais, les billes. Puis on n'avait pas parlé, mais un classique, c'est le Jenga. Ben oui. Vous saviez que ça avait été inventé par une femme? Ah, non, je savais pas. C'est Jenga, hein, c'est ça son nom? Non. Jenga, en fait, ça veut dire construit en une langue d'Afrique, là, j'oublie. OK. Hein? Donc, la madame, c'était une Britannique, mais qui avait vécu en Afrique. Et qui avait conçu ce jeu-là pour, je sais pas, dans quel but, là, mais pour se divertir, bien sûr. Mais je sais pas s'il y avait un autre but secondaire. Et elle présentait son idée à des éditeurs, mm-hmm. puis Hasbro était pas intéressé. Mm-hmm. Il aimait pas le nom. Il trouvait que le nom, ça voulait rien dire. Il voulait le changer, puis elle voulait pas. Finalement, ben, elle a édité, là, je sais pas si c'était par Hasbro ou une autre compagnie, puis Hasbro a racheté la compagnie par après. Il y a tellement eu de versions de Jenga. Après, même les gros Jenga de cours arrière, où tu peux vraiment enlever des gros morceaux. Hein. Ouais. Mais c'était une femme. Donc, il y en a aujourd'hui aussi des auteurs de jeux femmes, mais il n'y en a pas tant que ça. Là. Okay. C'est surtout hommes. comme domaine. Ouais. Un autre jeu de dextérité très intéressant, c'est Suspend. Donc, dans Suspend, on a chacun des tiges de métal qu'on doit accrocher sur une structure sans tout faire tomber. Oui. Donc, on est toujours dans le même genre de jeu, mais tous les jeux de dextérité vont avoir même une composante adresse comme ça. Les Barrel Full of Monkeys, les petits singes. Oh, oui, ça en est un aussi, bien sûr. Ou celui avec les petites pailles, là, tu sais, avec les billes que tu dois faire tirer. Kerplunk. Kerplunk, exactement. Mm-hmm. Il y en a plein qui viennent en tête. Absolument. Il y a un jeu plus récent, là, très très récent, en fait, c'est Meeple Circus. OK. Meeple, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les petits bonhommes, là, si vous connaissez le jeu Carcassonne, il y a des petits bonhommes en bois. Mm-hmm. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un Meeple. C'est la contraction de Miniature People. OK. Mm-hmm. Donc ce terme-là a été comme dit spontanément et c'est resté. Donc dans les jeux, à chaque fois qu'il y a des petits bonhommes en bois... De ce genre-là, on appelle ça des meeples. S'il y a des petits bonhommes, des petits animaux en bois, des animeeples. S'il y a des. C'est sûr, c'est tout en anglais, là. S'il y a des petits légumes, c'est des veggie meeples. Ah, bon. Donc, si tu mets à sur toutes des les gaufres, c'est du meeple syrup. C'est ça, meeple exact. Syrup. Donc, dans Meeple Circus, ce qu'on fait, c'est qu'on a chacun notre arène de cirque, qui va être un petit rond de carton, et on va récupérer des meeples de différentes couleurs. C'est nos acrobates. On va récupérer des animaux aussi, comme un éléphant, un cheval, et des accessoires, un petit bâton, un petit trou. Et là, il va falloir réussir à empiler ça d'une certaine façon, sans que ça tombe, et il va y avoir une trame sonore qui va jouer, mettons, sur votre téléphone. Mm-hmm. Et cette trame sonore-là, c'est comme une musique de cirque, ce genre de musique-là. Et c'est un genre de minutaire, j'imagine. Ça dure, c'est ça, ça dure, mettons, 2 minutes. On a 2 minutes pour placer nos choses. Mais il y a un côté stratégique aussi, parce que selon comment qu'on place les éléments, ça donne des points de façon différente. Mettons, les acrobates jaunes, faut pas qu'ils touchent le sol. S'ils sont pas au sol, ils donnent un point. Mais s'ils touchent au sol, ils donnent 0. Okay. Les acrobates rouges, faut qu'ils soient le plus haut possible. Fait qu'on a comme un petit équerre de carton, là. Okay. Que c'est une échelle graduée. Ah, c'est bon. Fait qu'on le met à côté, puis là, on voit, OK, il est à hauteur 3, ça vaut 3 points. S'il était plus bas, ça aurait valu moins de points. Ah, c'est bien. Fait que, fait que c'est vraiment un jeu intéressant si on aime ce genre-là. Moi, j'avoue que c'est moins mon... C'est des jeux plus, je les connais plus, ces jeux-là, c'est mon domaine, je pense, les jeux de dextérité. Ah ouais. Ça me tente plus que les autres. Ouais. Bon, à date, on t'en fera découvrir. C'est ça. Parfait. Est-ce qu'on avait parlé des jeux de party? On l'avait mentionné, mais on n'avait pas vu. Fait qu'aujourd'hui, je vais en montrer quelques-uns. C'est des jeux qui se jouent en gang. Mm-hmm. Moi, c'est de même que je vois ça. On est nombreux, là. Tu sais, mettons pas 4, là. On est 7 et plus, là. 8, 9, 10. Et on 10. Veut avoir l'air fou, pouvoir rire des autres. Ouais. Exact. C'est souvent de même, hein? Ouais. Et c'est aussi des jeux qui vont souvent se jouer en équipe. Mm-hmm. Pas tout le temps, mais mettons, on pense à Cranium. Oui. Cranium, on se met en équipe, on va faire Dieu, du mime, on va jeu. Faire du c'est dessin, on va faire toutes sortes de la choses. La pâte à modeler. Pâte à modeler, donc ça marche très bien. C'est ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est tous des jeux qui ont des règles très rapides à expliquer. Mm-hmm. Ça prend moins de 2 minutes d'expliquer des règles, ou des fois, on n'explique quasiment pas. Là, mm-hmm. Ah, c'est tout le truc de plastique dans la bouche, puis c'est des mots. Ah, ça, c'est drôle. C'est quoi, c'est marshmallow? Marshmallow, exactement. Marshmallow en français, oui. Je pense qu'en anglais, c'est speak out. Fait que c'est la dynamique du groupe qui va ressortir à ce moment-là. Mm-hmm. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de règles, il y a du matériel, mais c'est assez simple à utiliser. Fait que c'est vraiment l'interaction entre les joueurs qui va primer. Jouez pas à Joke de papa. Non. Non, pourquoi? J'ai pas trouvé ça drôle. J'en ai pas trouvé une seule. C'est ton genre de joke, non? Merci. Ça dépend. c'est comme mon genre de joke, mais encore moins drôle. Ah, OK. Il y a des vidéos qui ont été drôles, mais ils deviennent drôles à cause de la réaction des gars dans les vidéos. Exactement ça. Peut-être. Ouais. Je l'ai pas essayé, mais j'en ai lu quelques-unes, puis il y en avait des bonnes, il y en avait des moins bonnes. C'est comme le de jeu, le style jeu. Ça peut s'avérer drôle parfois, puis d'autres fois, tu fais comme « Ah! » OK, ça dépend du monde et de leur attitude. C'est un peu comme Ouija, si tu y crois pas. c'est pareil comme Ouija. Joke de papa. Écoute, il y a beaucoup de stratégies dans Ouija. Donc, puis dans cette catégorie-là de jeux de party, je mets aussi les jeux de questions. Ah, les quiz. Oui. Les quiz. Ouais. Trivial Pursuit, Doctor Who. Ça, c'est malade. Mm-hmm. Oui, donc, tu sais, moi, je les mets là-dedans, mais quelqu'un pourrait le voir autrement. Là, mais quelqu'un pourrait y donner sa propre catégorie, les jeux de quiz, questions-réponses. Oui, ou les jeux de mots, tu sais, Scrabble, tout ça. On joue pas nécessairement à 20, là. Fait que, c'est comme une sous-catégorie quelque part. Ouais. Là, je me suis pas attardé à tout classer ces cas-là. Non, d'autres jeux de party que je voudrais mentionner, Time's Up, c'est un jeu de mime. Hein? Okay. C'est un peu une version publiée du jeu de la boulette qui est plus populaire. Là. On doit faire deviner des mots ou des personnes en mimant. Mais il y a comme plusieurs manches. La première manche, on peut décrire la chose. La deuxième, on dit juste un mot pour le faire deviner. La troisième, on mime. Dans Time's Up, il y a juste ces trois phases-là. Mais ce que j'aime de Time's Up, c'est que la version party, là, qui est comme juste des personnalités, réelles ou fictives. Okay. Donc, le mime, on mime quelqu'un, ça va mieux. Il y a la version famille qui joue, avec des enfants, mais là, ça peut arriver qu'on mime un mimé, chat, c'est ça, ouais. Ou une chaise, un soulier. Fait que, tu sais, la partie mime, je trouve qu'elle marche moins bien, mais pour jouer avec des enfants, c'est une super bonne idée. Ici, j'ai amené esquisser. Donc, ça, c'est la version française de France, okay. Mais ils ont sorti, il n'y a pas très longtemps, la version québécoise qui s'appelle Télestration, qui est le même nom original anglais. OK, ouais, les Français ont tendance à chercher plus loin. Ou... Ouais, moi, esquisser, je trouve que c'est un joli nom quand même. C'est beau, ouais. Donc, dans ce jeu-là, on va chacun avoir un petit calepin comme ceci et un marqueur un petit calepin de papier, un marqueur, ouais, c'est ça, un marqueur de tableau blanc. Là, oui, exact. Okay. Puis les pages sont plastifiées. Calepin, ouais, là, moi, il est quand même usé, là, parce que j'y joue souvent. Là. Oui, c'est ça, ça s'efface. Là, il y a des petits linges qu'on peut effacer. Ce qu'on va faire, on va écrire notre nom, on va écrire un mot. Il y a des cartes qui te donnent des idées. OK. Okay. Mais souvent, quand moi, j'y joue, on choisit le mot. On peut se donner un thème, mettons, un film. Puis là, on écrit tous un titre de film, puis pas le Titanic, là, parce que tout le monde écrit ça. Hein, c'est ça que vous pensiez, hein? Ouais. Draw me like one of your French women. C'est ça qu'elle a dit. Mais là, c'est pas ça, faut que tu dessines dans le jeu. Ben, tu peux le dessiner, mais tu vas faire deviner Titanic. Là. Fait que tout le monde va deviner. Parce que le but. Tu peux y aller oser là-dedans. C'est pour tout le monde. Là. C'est les personnes. Oui, j'ai fait des parties que ça dégénérait pas mal. Mettons numéro 5, là, essaye de dessiner ça. Mais. La petite twist, c'est que c'est comme le jeu du téléphone arabe. Okay. Oh mon Dieu! On va dessiner sur une page. Ouais. Ouais. On va passer le calepin au joueur suivant. Le joueur suivant va regarder notre dessin. Il va écrire selon lui c'est quoi. Okay. Et l'autre va passer le calepin au joueur suivant qui va regarder ce qui était deviné mais sans avoir le dessin précédent. J'adore ça. Fait que j'ai un exemple ici. On a comme une image là. Oh mon Dieu! Il y a du monde dans une boîte. Ouais, OK. Et la personne suivante a deviné discothèque. Après, la personne suivante dessine comme du monde qui danse avec une boule de... Boule disco. Une boule disco. Le joueur suivant dit boîte de nuit. Le joueur suivant dessine comme vraiment une boîte, là, un cube avec des étoiles, une lune, puis quelqu'un qui dort. Puis la personne suivante a deviné dortoir. Le mot à l'origine, c'était musique d'ascenseur. Wow. C'est quand même cool. Ça fait que ça, c'est un petit exemple. C'est un 6 de séparation. Mais je vous le dis, là, quand le monde sont pas bons à dessiner, c'est mieux. C'est le cas du jeu. Hein, c'est m'a joué, elle m'a été bonne, moi, ça. Et quand quelqu'un fait trois lignes avec un rond, puis il faut deviner c'est quoi, ça marche pas. Ouais. On sait juste pas. Ouais. Puis à la fin, quand on dévoile, on rit. Tu sais, il y a un système de points, mais on l'utilise jamais. On fait juste s'amuser à rire de comment que ça se transforme, puis que ça n'a pas de sens. Il y a un sablier aussi, je crois, dans la boîte. Il y a un sablier. Ouais. Encore là, c'est quelque chose que j'utilise rarement. Si tu veux te mettre mettons, on veut être sûr là, que le monde ne prenne pas une demi-heure pour dessiner, qu'ils sont trop bons, on le avec fait. Des couleurs, faut vraiment que ça soit un sketch. Faut que ça soit quelque chose là, qu'on gribouille. Ouais. C'est là que ça va être le plus drôle. Donc, ça, c'était les jeux de party. On avait aussi mentionné quelques jeux d'ambiance la semaine passée. Mm-hmm. On avait parlé de, je sais pas, Dixit. Oui, vous êtes Dixit. Il y avait d'autres jeux dont je voulais parler. On avait aussi mentionné des jeux d'identité cachée. Donc, j'en ai un ici. Un que j'aime vraiment ça beaucoup. Ça me parle, oui, ça les amis. Criminel un peu. Là. Oui, c'est tout j'aime à fait ça. Puis je vais vous faire essayer brièvement. Oh, donc, j'ai mis un petit setup. Dans le fond, chaque joueur dans le jeu va avoir devant lui des 8 cartes ou 10 si on sent plus aventureux. Il y a 4 cartes par joueur d'armes. Okay. Donc, c'est l'arme du crime. Et il y a 4 pièces à conviction. Oh boy. C'est vraiment un clou, mais en plus sophistiqué. C'est un CSI. Oui, puis il y a beaucoup de discussions, pas tant de la négociation, mais vraiment de la discussion des accusations qui se lancent à gauche et à droite. C'est les joueurs embarquent, là. Mm-hmm. C'est là que c'est le fun. Là. C'est un meurtre et mystère. Oui, c'est ça. Puis infiniment rejouable. Ouais. C'est le fun. Puis il y a plein de petites variantes qu'on peut rajouter. Donc, le colonel moutarde avec le mixeur. Le malaxeur. J'ai un malaxeur. Ouais, oui. Et les pions sont en balles de fusil. Oui, ces pions-là vont servir au médecin légiste. Okay. Parce que là, chaque joueur va recevoir une carte qui lui donne son rôle. D'où pourquoi c'est un jeu d'identité cachée. Ouais. Mais parce que seulement toi sais ce que t'es comme personnage. Sauf le médecin légiste. Okay. Lui, il doit se dévoiler. Le médecin légiste n'aura pas de carte devant lui, mais c'est lui qui va savoir la solution. Et les autres joueurs vont devoir essayer de la trouver. OK. Il y a un petit problème, par exemple. Les autres joueurs vont être des enquêteurs, fait qu'il y a des cartes enquêteurs selon le nombre de joueurs qu'on est. Mais il y a aussi un meurtrier parmi les joueurs. Oh, j'aime ça! Fait que le coupable, c'est un de nous. C'est et il nous aide. Est-ce que tu peux être médecin légiste et meurtrier? Non, le médecin légiste, c'est vraiment un rôle complet. Lui, le médecin légiste va savoir qui est le meurtrier. OK. Mais le meurtrier se comporte comme les autres. C'est ça qui est dur. Parce que là, il nous aide, mais dans le fond, il nous aide pas. Il essaie de dévier les suspects. Ouais, c'est un maudit menteur. Exact. C'est sûr, il faut avoir un bon poker face. Là, oui, il faut être un bon acteur. Ça marche mieux. Là, je veux jouer. Si on pose la question, mais là, est-ce que j'aurais pu dire ça à place? Non, on sait que c'est toi le maître. Ouais, faire attention. Ça. Mais Tania est comme dans les as bullshitters du monde. Ah, ben c'est parfait. Fait, ça, ça c'est pour toi. T'sais. C'est parfait, ça. Hey, qu'est-ce que c'est? C'est fin, c'est un compliment. Je m'excuse à tous mes ex. C'est une blague. Donc, le meurtrier, ce qu'il va faire, c'est qu'il va devoir choisir parmi les cartes devant lui une arme et une pièce à conviction. OK. Tout le monde va avoir les yeux fermés, sauf le médecin légiste et le meurtrier. Donc, le meurtrier va lui pointer les cartes. Mm-hmm. Là, je vous en ai pointé, mais ça ne sera pas ça. Là, parce et le médecin légiste doit les retenir. Doit les retenir. Est-ce que tu as le droit de prendre des notes au courant de la game? C'est pas vraiment nécessaire. Ouais, c'est assez court. Okay. Puis, non, c'est pas... OK. Non, je pense pas que t'aurais pas le droit là, mais ça paraîtrait trop que. Ouais, c'est ça, mais genre le médecin légiste, c'est quoi à côté là. Ah non, mais il y aura pas besoin là, parce que dans le fond, il faut juste qu'ils retiennent deux cartes là, parmi toutes les cartes, il y en a juste deux à retenir. Donc le médecin légiste va avoir des plaquettes devant lui. Il y en a une, la principale, c'est cause de la mort. Mm-hmm. Donc avec les petites balles, il va pouvoir indiquer selon lui. Mais il faut que ça corresponde. Là. J'ai fait une game où j'avais pas bien choisi, puis ça a mal été. Donc, il y a 6 possibilités. Mm-hmm. Suffocation, blessure sévère, perte de sang, maladie, empoisonnement, accident. Ouf. Oh boy, OK. OK. Donc, avec la petite balle, je vais indiquer que la cause de la mort, c'est un empoisonnement. Mm-hmm. OK. Fait que là, je sais pas si vous voyez les cartes. Ça élimine des cartes. Là, ça élimine le malaxeur, mettons. Peut-être. Mettons, l'enveloppe, ça fonctionne pas. Non, c'est ça. Pas bien. Fait que ça se dépend. N'oubliez pas, les armes du crime, c'est ceux du haut. Ah, OK. Oui, ah, oui, c'est sûr que la cause de la mort a probablement plus rapport avec ça. Ouais. Mais les autres indices que je vais donner vont peut-être être liés aux pièces à conviction. OK. Il y a aussi 4 plaquettes lieu du crime que le médecin légiste peut choisir avec plein de lieux différents. Et il va devoir trouver là-dedans une de son choix et indiquer sur cette plaquette-là le lieu du crime. Le lieu du crime, sur la liste, il avait choisi hôpital. C'est quoi les autres choix? Il y avait pub, librairie, restaurant, hôtel et chantier sur cette plaquette-là, mais j'aurais pu prendre n'importe quelle plaquette. Donc, un empoisonnement à l'hôpital. Mm-hmm. Bon, le médecin légiste, il devient un peu le maître du jeu à un certain point. Oui, mais vu qu'il est médecin légiste, si les enquêteurs trouvent pas le coupable, c'est lui qui a mal fait sa job. Ah. Ouais. Il perd. Il est dans le jeu. Il faut qu'il trouve s'il veut gagner. Mm-hmm. OK. C'est un peu un maître de jeu, effectivement. Et là, il va avoir toutes sortes de plaquettes dans lesquelles il va en piéger 4. Genre, il va en choisir une. Puis là, c'est au hasard. Ça peut être utile. Ça peut être, mettons, je prends la plaquette moment de la journée. Des fois, c'est pas très utile. Ouais, ça change. Il faut pas que ça soit parfait, sinon, ça serait trop facile. Exactement. Non, c'est ça. Donc, ici, on a mobile du crime, la haine, le pouvoir, l'argent, l'amour, la jalousie ou la justice. Là, ça commence à être vraiment plus tough. Là, ouais. Là moi, j'ai quand même ma carte en tête. Là. OK. Mais comment avec ça? Peut-être que là, je vais plus me fier à la. À la pièce à conviction pour donner un indice. Mm-hmm, parce que tu connais déjà la carte qui est la pièce à conviction. Exact. Oui, c'est ça. Parce que là, présentement, il n'y a pas de meurtrier autour de la table, on est juste 3. Mettons, je dis amour. Mm-hmm. OK. Donc, il y a eu un empoisonnement à l'hôpital pour cause d'amour. Ça se peut, ça? Ben oui. Ça se peut. L'état du corps. Oh boy! On a le choix entre encore chaud, raide, pourri, incomplet, intact ou tordu? Incomplet. Ouais, empoisonnement... Ouais. Empoisonnement? Ben, ça dépend quel genre d'empoisonnement. Ouais, c'est ça, exactement. Il peut être juste raide. Ouais, raide. Ou encore chaud. Ou tordu. Ouais, tordu. Ça dépend. Mais je vais mettre raide, effectivement. Raid. Okay. Mais là, peut-être que ça vous aide pas ben. Non. On a un autre ici. Statut de la victime. Ouh. Est-ce que c'était un patron, un employé, un ouvrier, un étudiant, sans emploi ou un retraité? Ah! Oh. Ben, moi, je vais dire que c'était un patron. Un patron. Ah, OK. Ouais. Ouais. OK. Et la dernière plaquette que j'ai, c'est partie du corps touché. La tête, la poitrine, la main, la jambe, partiellement ou partout? Ben, je veux dire partout. Partout. Oh. S'il était empoisonné, c'est que son corps au complet était empoisonné. Ça aurait du sens. Ça pourrait être ça. Ouais. Mais le médecin légiste, il peut rien dire. Non, c'est ça. Il peut pas expliquer son raisonnement. Ouais, c'est exact. Ça. Okay. OK. Vous, est-ce que, rapidement, là, c'est sûr, ça, d'un moment, ça prend beaucoup de temps là, de délibération. Puis des plaquettes comme ça, j'en ai mis 4, mais je vais pouvoir en retirer et en remplacer par 2 fois. Donc, on va voir des choses différentes. Moi, j'irais avec produits chimiques puis seringues, là. Ouais. Et le médecin légiste, à ce moment-là, il va te dire non. Non. Mais oublie pas que les cartes, ils vont être dans le même groupe, là. Tu vois, je les ai comme mis en groupe de... Fait que le meurtrier, ça va être... OK, fait que je pourrais pas... Une carte d'en haut et une carte d'en bas. Je comprends. Fait que si tu choisis, mettons, t'as dit produits chimiques. Ouais. Ben, faut que tu l'associes à une carte d'en bas de ce groupe-là. OK. OK, je comprends. Le gaz toxique a l'air d'être quand même attirant pour moi. Tu vois ça, toi, du gaz toxique? Ouais, là, c'est sûr qu'il faut... Là, là c'est du visuel. Ouais, vite, c'est ça. Non, en plus, normalement, il y a plus de cartes que ça, parce qu'on joue d'habitude au moins à 6. Hein. Mm-hmm. Fait qu'il y a 5 groupes de cartes comme ça. Oups. OK. Ah. Vas-y donc, toi. Mais Tania, elle avait une bonne intuition. Ouais. Le produit chimique, je vais vous aider un peu. Là. OK. Puis là, c'est quoi qui est écrit? Inscription. Inscription. Ouais. Ben, j'ai y aller avec produit chimique puis enveloppe. Ouais. C'était ça. Hey, bravo! De l'anthrax! Bravo! On sait pas. Je sais pas c'est quoi du kérosène. Ça doit être c'est un produit. C'est du carburant. Okay. Du gaz. Ouais. Ah, ben oui. Donc, le jeu CS-Files, c'est ça. Moi, j'adore vraiment. Hey, j'adore ça. Ça s'appelle CS-Files. CS-Files, ouais. Ça rappelle un peu l'émission de télé. Là. Un petit peu CSI, hein? Ouais. Ou X-Files. Oh. Ou un mélange des deux. Mm-hmm. Mais il n'y a pas d'extraterrestre dans le jeu. Ben, il devrait être. La petite twist que j'aime beaucoup qui est ajoutée, c'est que là, ça, c'est vraiment la structure de base, là, le médecin légiste et le meurtrier. Mais d'habitude, quand on joue, on rajoute un complice. Oh. Donc, ce joueur-là sait qui est le meurtrier. Il est dans la même équipe du meurtrier. Et son but, ça va être de détourner l'attention pour aller... aider le meurtrier. Ah, ben d'après moi, c'est produit chimique. Et le complice va dire, oui, mais le pesticide aussi, c'est un poison, là. Mm-hmm. Ouais, OK, je comprends. Il peut faire exprès de détourner, de manipuler les gens. Pas avec ce ton-là. Le aussi, c'est un poison, hein. Ça serait subtil. Hey, man, le pesticide, c'est un produit chimique. Un autre personnage très intéressant, c'est le témoin. Témoin. Le médecin légiste, au début de la partie, va indiquer au témoin, seulement au témoin, qui sont... le meurtrier et le complice. OK. Mais voyons donc. Donc, le témoin ne sait pas... Il les a vus. Ne sait pas quels sont les objets. Mm-hmm. Par contre, il sait c'est qui. Ouais. Ah, ben, c'est soit Mathieu ou Tania, le meurtrier. Il va savoir comment surveiller le comportement de la... Il va regarder où ses yeux s'en vont. Mais il y a une pogne. Tu sais, le meurtrier, il a quand même beaucoup... Le témoin, il a beaucoup d'informations. Oui. Parce qu'il sait... OK, c'est un de ces deux-là. Mais il ne peut pas dire ça, parce qu'à la fin de la partie, c'est les enquêteurs gagnent. Mm-hmm. Ben, le meurtrier peut choisir un joueur et si c'était le témoin, il tue et donc il gagne quand même. Oh! Hey, c'est fou ça. Fait que le témoin doit vraiment être subtil, donner des indices. Ah ben, moi je trouve produit chimique ça fit. Mais faut pas en dire trop parce que si le meurtrier nous suspecte puis nous tue, ben on perd. Wow! Hey, oh mon Dieu, OK, fait que le meurtrier a le droit de tuer après. Mm-hmm. Oui, il a perdu et il peut encore gagner. Wow! Hey, j'adore. Je pense que j'avais brièvement mentionné Avalon. Ouais. La semaine passée. Donc, dans celle-là aussi, là, on avait parlé de Merlin qui savait qui étaient les méchants, mais l'assassin pouvait tuer Merlin. C'est le même genre de dynamique. Puis Avalon est sorti avant, là, fait que d'après moi, CS-Files s'inspire de Avalon pour ce mécanisme-là. Et de CSI, mais qui a des revirements de situation. Oh, oui, ouais, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore comme dynamique. Cool. Ça crée des... Les joueurs peuvent pas être parfaitement francs. On est comme toujours dans la subtilité, puis ça fit avec l'ambiance qu'on recherche. Mm. Aussi. C'est quand même assez compliqué à expliquer, mais une fois que t'es dedans, j'imagine que ça roule assez rapidement. Est-ce que c'est un jeu qui est quand même assez dispendieux? Parce que ça m'a titillé, ça-là. Environ 50$. OK, c'est bon, ça. Peut-être 55, peut-être moins, là, j'oublie. Là, j'avoue, puis j'imagine qu'on commence à jouer quand même 4-5. On joue pas à deux. Même 6. Mm-hmm. Ouais. Ouais. OK. Cool. Ouais, ouais. C'est hot. Il faut qu'il y ait assez de variété dans les rôles. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Parce que aussi, il faut qu'il y ait cette carte. Parce que s'il y a juste deux ensembles de cartes, ben là, il n'y a pas assez de. Il y a pas assez de choses qui se répètent. Tu sais, mettons pour le poison, on avait les produits chimiques, le kérosène, le pesticide, le gaz toxique. On a beaucoup de choses. À même le vin, tu sais. Oui, mais j'y ai pensé à un moment donné, par amour. Ouais. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup de cartes. En même temps, juste quand même de connaissances générales pour savoir qu'est-ce que le poison pourrait faire ou comme ça. Ouais, oui. Puis c'est des fois on se trompe, puis c'est là que. Ouais. Ben non, on peut pas faire ça. C'est quoi ça. Du kérosène? Kérosène. Kérosène. Puis des fois, je vais sortir un autre jeu. Dans un petit jeu. Oui, mon sac rempli. Oh mon Dieu. Un petit jeu de dés. Donc, vous connaissez sûrement le Yadi. Ben oui. Oui. Parfait. Donc, ce jeu-là, ça s'appelle Bang, le jeu de dés. Okay. Pourquoi ça s'appelle le jeu de dés? C'est parce qu'il y a un jeu qui est juste des cartes. OK. Mais que j'aime quand même. Mais c'est le Parlant de compagnie, tu veux dire? Oui, oui, oui. Okay. Mais la version D est vraiment plus rapide. Fait qu'on a la même expérience, mais en 15 minutes au lieu de 30-40 minutes. Dans ce jeu-là, on va donner des 4 rôles encore là, je suis dans la même catégorie. Là. Mm-hmm. Des 4 rôles aux joueurs. Il y a un shérif qui va se dévoiler. OK. Comme le médecin légiste, là, il doit dire. C'est qui moi. Il est. Il y a des hors-la-loi. Les hors-la-loi tentent d'éliminer le shérif. Mm-hmm. OK. Il y a des adjoints qui essaient d'aider le shérif à survivre, parce que si le shérif meurt, ben, les hors-la-loi gagnent. Et il y a un renégat. Ce joueur-là, c'est un joueur tout seul. Okay. Le renégat veut éliminer d'abord toutes les hors-la-loi, parce qu'il veut pas de compétition, et après éliminer le shérif, parce qu'il veut prendre sa place. Donc, le renégat, il change de camp pendant la partie. Mais on sait pas qui est quoi. C'est sûr, les adjoints, ça va paraître assez facilement parce qu'ils vont comme jamais tirer sur le shérif. Mm-hmm. C'est ça. Le renégat, ben, peut-être qu'il va y tirer de temps en temps. Dans le jeu, on va rouler à notre tour les dés. Il y en a cinq en tout. Il y en a cinq. Mm-hmm. Ils ont 6 faces différentes. Il y a des faces avec un 1, un 2, avec une cible. Ça veut dire sur qui on tire. Okay? Un, c'est un joueur à côté de nous. Deux, c'est un joueur à deux personnes de distance. Ah ouais. Il y a de la dynamite. Mm-hmm. Ça, si on en a une, ça fait rien, mais si on en ramasse 3, ça explose. Puis ça nous fait mal. Bon. Ça doit. Hein. Il y a des flèches. À chaque fois qu'on roule une flèche, on prend un petit jeton d'indien. Jeton de flèche, oui. S'il y en a 9 dans le jeu, si les 9 jetons ont été ramassés par tous les joueurs, tout le monde subit autant de blessures que le nombre de flèches qu'il y a devant lui. Puis si j'ai le droit de relancer un dé avec une flèche, mais si je roule une flèche, je reprends un autre jeton. Puis des fois, il en reste juste un, puis là, on veut relancer des dés, mais on se dit, ouais, si je relance pas une flèche, on va tous se faire blesser. Mm. Des fois, ça peut faire notre affaire parce qu'on veut blesser les autres aussi, puis nous, on est correct. Puis il y a aussi le Gatling Gun. Ça, le Gatling Gun, ça fait, j'oublie, là, peut-être un dégât à tout le monde et ça nous enlève toutes les flèches ou quelque chose de même. Mm-hmm. Fait que si j'ai beaucoup de flèches, puis je roule 2 faces, mais ça en prend 3, ça prend pas juste une face de Gatling Gun, ça en prend 3. Donc, c'est des fois, il y a toujours une question de risque, est-ce que je relance? Mm-hmm. Puis il y a aussi une face bière. C'est bière, c'est ça, Une bière, c'est pour se soigner ou soigner quelqu'un d'autre. Ah, ça soigne tellement bien. Et voilà. Le remède. Donc, dans le jeu, on va rouler les dés. On a le droit de relancer 2 fois. On applique les résultats le tour suivant. On continue comme ça. Si un joueur n'a plus de points de vie, il est éliminé. Mais c'est pas grave parce que les parties, c'est 15 minutes. Si on est éliminé, on attend 5 minutes puis les autres. Très rapide, ça se transporte bien, une petite boîte de rien du tout. Oui, vraiment, tout petit. Cool. C'est bang, le jeu de dés. Ouais, donc catégorie jeu d'ambiance là, parce que c'est vraiment interaction entre les joueurs. Mm-hmm. On trust personne, puis qui est quoi. On s'accuse, on discute. Mm-hmm. Moi, j'aime bien ça. Ouais. Une autre petite catégorie, c'est les jeux de stratégie abstraite. J'ai pas d'exemple à vous amener parce que moi, j'y joue pas. Okay. À ces jeux-là, j'y joue très rarement. Parce que j'aime ça quand il y a un thème dans les jeux. Abstrait, c'est tout. Puis abstrait, il n'y en a pas. Ouais. D'habitude, il n'y en a pas. Ou il peut en avoir un, mais il n'y a pas d'impact aucun sur le jeu. Donc, moi, ça m'intéresse beaucoup moins. Mais il faut quand même leur donner que pour des règles souvent très simples, il y a une grosse profondeur stratégique. On connaît les échecs, comment qu'il y a des tournois, puis comment que c'est développé. Mais les échecs, ça fait partie de cette catégorie-là. Les dames, Go, le jeu asiatique. Tu joues des personnages, mais dans le fond, c'est rien. C'est rien. Il y a un move défini. C'est ça qui fait. Toute l'information est sur la table. On voit tout ce que l'adversaire fait. Il n'y a pas d'information cachée. Mm. Pas de hasard. Ça a quand même ça de bon. D'autres jeux que je voulais mentionner, c'était Quartet, qui est un jeu où on doit placer des pièces qui ont différentes formes, différentes couleurs, différents détails. Il faut placer 4 en ligne pour gagner, mais c'est l'adversaire qui choisit quelle pièce qu'on place à notre tour. Okay. Donc, si on perd, c'est notre faute parce que c'est nous qui avons donné la pièce gagnante à l'adversaire. Il faut créer des situations où peu importe qu'on place, on gagne. Selon les pièces qui restent, selon ce qui est déjà sur le plateau. Vraiment intéressant. Dans cette gamme-là, il y a aussi Corridor qui est faut traverser le plateau, mais à chaque tour, les joueurs placent un mur. OK. Donc, ça nous force à faire des détours. Ah oui, et c'est bon ça. De plus en plus. Ouais, c'est vraiment intéressant. J'ai joué à un jeu qui ressemble à ça, mais ça se passait dans des mines. Ah, je sais pas. Ouais, je sais pas. En tout cas. Un genre de démineur. Un espèce de démineur, oui. Puis là, t'as des pions qui font en sorte que peut-être que t'as un éboulement, mettons. Fait que là, tu peux plus passer là. C'est pas Diamant, ça? Oui, c'est ça. Oh. OK, mais. Quand j'ai dit expert. Mais moi, ça, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Là. Ouais. Mais lui, on va en reparler la semaine prochaine. Ouais, c'est dans une autre thématique. Je vais l'aborder pour sa mécanique de jeu. Un autre jeu abstrait que j'ai vraiment aimé, c'est Onitama. C'est juste disponible en anglais, malheureusement. Là. Mais c'est comme un jeu d'échecs light. Okay. On a 5 pièces sur un quadrillé de, peut-être 20 cases carrées. Et à notre tour, on doit déplacer une pièce selon une des deux cartes qu'on a. On a deux cartes qui présentent des mouvements possibles. Donc, je déplace une pièce selon ces mouvements-là. La carte, je la perds, je la mets au milieu et je prends celle qui est déjà au milieu. Oh! L'adversaire, donc, va jouer son tour et va prendre la carte que j'ai laissée au milieu. Fait faut calculer, OK, si moi, je déplace comme ça, je lui laisse cette carte-là pour son... Mm-hmm. Dans deux tours, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Mm-hmm. Parce que le but, c'est soit de capturer le maître. C'est comme un thème arts martiaux, là. Donc, si on capture le maître adverse, on a gagné. Ou si un pion se rend de l'autre côté du plateau, on a gagné. Mm-hmm. Très intéressant aussi. Intéressant, j'aime ça. Là, il nous reste plus de temps. Plus de temps. Malheureusement. Pour un autre thème, c'est dommage. Par contre, je pourrais terminer la semaine prochaine. Ben oui, avec, il me restait les jeux de stratégie légère qu'on a déjà abordé un peu. Jeux de stratégie moyenne, puis jeux de stratégie lourde. Fait que je vais les continuer la semaine prochaine. Mais je voulais vraiment vous montrer là, les jeux que j'ai apportés aujourd'hui. Je trouve vraiment ça intéressant. Un coup de cœur pour CSR. Oui, vraiment. Moi, ça me rejoint. Très, très bon. Merci beaucoup, Mathieu Janvier. Ça fait plaisir. Oui, merci. Qui arrive avec sa ribambelle de jeux dans son sac. Alors, on rappelle d'aller voir les capsules sur YouTube si ça vous intéresse d'avoir le visuel. Aussi les photos sur la page Facebook. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Mathieu Janvier. Merci beaucoup. C'est les jeudis matins à partir de 8h. Dans quelques minutes, David Ferron va être là pour sa chronique Zone Campus ainsi que la carte Beachy. Donc, un coup double. OK, ouais. Puis je vais peut-être aussi parler de ce que j'ai mangé hier, un coup double gaufré dans une course printemps. On verra. D'accord. Mais avant ça, on écoute Gun Dogs. Voici The Road Ahead, un peu comme tu suivrais un corridor, n'est-ce pas? C'est un assemblage requis. toujours à Assemblage requis en ce jeudi matin 29 mars 2018. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Maintenant, on a David Ferron qui est avec nous. Salut, David. Salut. Tu nous présentes deux chroniques aujourd'hui. Ben oui. Tu t'emportes. Yeah! Tu vas trop loin. Ouais, je le sais, je ne m'en peux plus. Je suis comme dans un courant irrésistible de chronique. Ah, c'est beau, ça. T'es comme une rivière. De... Le vent du contenu me porte. C'est ça. Vers les égouts. Non. Ça sera pas de la... Ben, on va voir tantôt dans ta chronique avec l'Eurovision, j'imagine, ou quelque chose comme ça dans la carte. Non, Nietzsche? Non, pas d'Eurovision. Ben cette non. Bon, tant mieux. Même si on va parler de la Suède un petit peu. Intéressant. Ah, mais non. Avant de passer à la carte bleachée, c'est la chronique du Média étudiant Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Zone Campus, c'est David Ferron, son chef de pupitre à ce Média, donc journal papier une fois de temps en temps, mais surtout le blog. Oui. Et justement, on va parler de ce qui s'est passé sur le blog depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, qui était la semaine passée sûrement. Ben, on s'était pas vu pour ça la semaine dernière. Non, c'est vrai. Hein? Fait que là, deux semaines. Donc, il se passe des trucs. Oui, plusieurs choses. Pas mal, ça brasse. Parce qu'au journal, j'ai dit à Mary, le mois de mars, c'est le Black M. Là, on parle de Marie Labrousse, qui est la rédactrice en chef. Et ouais. Black M comme... Le Black Month. Black Month. Oui, parce que je pense que je l'ai déjà expliqué, mais au mois de mars, le Zone Campus, c'est l'enfer et encore cette année. C'est là que tout se passe à cause des élections, entre autres. Ben, en fait, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de concours. C'est là où les journalistes sont un petit peu plus surchargés aussi, parce qu'ils sont en fin de session aussi. Ouais. Donc, c'est... Puis l'année dernière, on se rappelle que Mathieu a eu la mauvaise idée de se blesser. Oui, on en reparle souvent. M'en souviens. Moi aussi. Ça a causé des problèmes à bien des gens. Puis Tania, oui. Puis moi, on te l'a pas dit, mais on t'en va encore. Hein? Ah, ouais, ouais. Je comprends ça. Ben non. Ah, je m'en vais. Ben non. On est juste content que tu sois là. Merci. Et moi aussi, je suis content de vous voir. Oh. Et bref, parlons des nouvelles qu'il y a eu sur le blog depuis la dernière fois. Il y a évidemment les élections de la GEQTR qui ont lieu jusqu'à ce soir 23h45. Donc, vous pouvez voter jusqu'à 23h45 via votre portail étudiant. Oui. Et Vincent Cheval nous parle du bilan, en fait, du débat des bilan candidats. Bilan du débat qui a eu lieu mardi. Cette semaine, oui, exactement. Donc, dont trois concurrents pour la présidence. Oui, ben c'est ça. Il y a des années où c'est un candidat contre la chaise. Ouais. Ouais. Là, c'est trois candidats contre la chaise. Et la chaise a moins de chances de gagner. C'est encore drôle. Ben là, il y a des gens qui ont posté sur Facebook aller voter pour la chaise. Ben oui, mais quel manque de respect. Les gens trouvent ça drôle, mais tu sais... Ouais, c'est respectueux, mais en même temps, t'as le droit de voter pour la chaise. En fait, dans une élection, t'as comme, en fait, au moins deux candidats. La personne qui se présente et la chaise. Exactement. Ouais. Si, dans le fond, c'est un geste symbolique. Si tu veux voter contre la personne qui se présente, tu votes pour la chaise. Oui, c'est déjà arrivé qu'un président ait été élu, je pense, avec même pas 55% des voix. Tout à fait. Donc, il est moins représentatif de la population, déjà que c'est pas tout le monde qui vote. Non. Et c'est parce que si la chaise gagne? Je sais pas s'ils vont remettre le poste en élection, parce que je sais pas s'il y a une présidence par intérim, par exemple. Parce qu'il n'y a pas vraiment de vice-président, parce que ben il y a 8 vice-présidents. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Là, il va avoir 6 vice-présidents parce qu'il y a 2 postes de vice-président qui sont pas éligibles parce qu'il y a personne qui s'est présenté. Ah, dommage. Ah. C'est les 2 vice-présidents à la vie académique. OK. Il n'y a pas personne qui s'est présenté. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, Alexandre Côté se présente à la présidence, celui qui est vice-président aux affaires académiques cycle supérieur, et celle Camille Duhamel qui est au cycle premier. En fait, qui est au premier cycle, ne se représente pas. OK. Ah, donc, okay. Mettons, Monsieur Côté, lui, il a abandonné son poste pour se présenter à la présidence. Ouais, exactement. Mais s'il perd la présidence, son poste lui appartient plus là, parce qu'il ne s'est pas ça. Présenté. Mais il pourrait peut-être se représenter dans un conseil d'administration comme VP Six. Pour un futur vote qui va être là à l'interne par la comité exécutive. Exactement. Donc ça serait possible. Et donc on a hâte de voir les résultats. Mais à cause que c'est le congé de Pâques, habituellement les résultats sont dévoilés le vendredi. Mm-hmm. Mais là, c'est congé de Pâques, donc on va le savoir seulement mardi. Oh, wow. Caroline. Oui, parce que c'est congé de Pâques. Dommage. Oui. Jésus, pourquoi es-tu mort? On va attendre les résultats à cause que t'es mort. Est-ce qu'on peut voter pour Jésus? Hey, merci Jésus, moi je vais être capable de dormir. Ouais. Donc c'est ça pour la GEQTR. Donc votez, oubliez pas de voter, c'est jusqu'à 23h45 ce soir. Mm-hmm. Il y a également eu une journée entrepreneuriale vendredi dernier, parce que c'était le bureau des diplômés qui a organisé sa semaine des bureaux, en fait des diplômés, et L'activité culminante, c'est une conférence offerte par François Lambert, entrepreneur assez célèbre. Et ça, c'est une collaboration avec le Salon du Livre qui est venu vendre ses livres parce que François Lambert a écrit des livres. Ouais. Et ce qu'il parle, il parle de son parcours, il explique aussi que c'est pas facile le monde de l'entrepreneuriat. C'est pas nécessairement une question d'art, mais une question de passion, d'être bien entouré aussi. Donc, ce qu'il dit aussi, petite parenthèse, c'est que les brevets, pour lui, c'est une chose à laquelle il faut pas mettre trop d'énergie. Ah, comment ça? Parce que ce qu'il explique, c'est que si ton idée est assez bien connue, t'as pas besoin nécessairement de te le faire voler. Parce que ce qui arrive, c'est que tu passes tout le temps ton temps à essayer de protéger ton produit. Ouais. C'est que tu vas pas prendre ton temps à tisser ton réseau, à développer le marketing, à faire promouvoir ton produit, le faire connaître. Mais si quelqu'un te vole ton idée après, c'est pas mieux? Ben, il paraît que ça arrive pas souvent, selon François Lambert. François Lambert a jamais fait breveter ses produits. Parce que j'avoue que des inventeurs, il y en a pas, tu sais, il y en a beaucoup, là, mais il y en a pas tant que ça, là, genre. Fait que faut que t'aies, tu sais, c'est facile de dire, ah, j'aurais, moi aussi j'aurais pu avoir cette idée-là, puis l'inventer le produit, mais tu l'as pas fait. C'est les gens qui vont aller jusqu'à leur, à atteindre leur but et à exaucer, exécuter leur invention sont rares quand même. Non, c'est ça. Puis, parlant d'invention, ce midi-là, c'était l'occasion pour des étudiants entrepreneurs de présenter leurs produits ou leurs projets. Il y a là-dedans un espèce de coussin cervical pour les voyages. Okay. Ça s'appelle Igloo et c'est conçu par deux étudiants entrepreneurs. Donc, il y a également aussi des projets plus environnementaux. Par exemple, à partir de racines de champignons, ils peuvent faire un isolant pour les maisons. Ah oui. Oui, donc c'est biodégradable, c'est écologique. Il y a également aussi Hublon qui est une application de bière. C'est comme un peu la SAQ dans le sens que tu veux connaître une bière, voir si tu l'aimes. Bien, la compagnie Hublon, qui est la compagnie, en fait, qui est le projet gagnant du dernier Startup Weekend, est en train de développer une application Hublon qui te permet justement de connaître tous les bières. C'est une encyclopédie de bières. Hublon. Oui, cool. Hublon, U-B-L-O-N. OK. Et il y a également, parlant de domaine brassicole, Brewit aussi, qui va te permettre de créer ta propre bière. Hey. Chez vous, dans le confort, tu vas pouvoir faire de la bière à bière mou. Donc, c'est pas mal ça. Puis il y en a plein d'autres, je peux pas les mentionner, mais allez voir l'article de François Lambert. Sur zonecampus.ca. Ben oui. Il y a aussi également, en actualité, les journées multiculturelles UQTR. Ça, c'est le complice qui organise ça chaque année. C'est au Hall Gilles Boulay. Si vous voulez connaître davantage de pays, bien, c'est vraiment intéressant. Puis les kiosques, parce que c'est des kiosques qui représentent divers pays par des étudiants qui viennent de partout dans le monde. Donc, ça vaut la peine. Allez-y. Vous allez découvrir plein de belles surprises et vous allez mieux comprendre aussi qu'on est plus proche du monde qu'on le pense. Ouais. Donc, il y a également eu la semaine dernière le concours d'affiches scientifiques. Ça fait 25 ans cette année. Ah, pour vrai? Et ouais. Il y a eu plusieurs gagnants. Ça s'est fait les deux journées au CAPS. Et il y a eu quand même beaucoup de gagnants pour cette 25e anniversaire. Il y a des prix du décanat, il y a les prix de la JUCTA, il y a les prix du public aussi. Notre ami Lassania Kouilly qui a gagné aussi, bien sûr. Ben oui, exactement, notre ancienne collègue du Zone Campus qu'on salue d'ailleurs. Moi, je la considère encore comme une collègue. Ben oui, ben oui, c'est vrai. Ouais. Ben peut-être qu'elle va revenir. Elle dit qu'elle veut revenir à la radio. Il reste 4 semaines. Ben on espère. Ouais. Donc, entre autres, et d'autres gagnants aussi. Félicitations à tout le monde. Oui. Il y a également aussi le dernier CA de l'AGQTR, parce que oui, les élections de l'AGQTR, mais la vie exécutive de l'AGQTR continue pareil. C'est la planète tourne. Et parmi les choses importantes, les assurances, parce que les étudiants payent pour un plan d'assurance. Et absolument, les conjoints-conjointes étaient de facto couverts, mais plus là. Et aussi, la couverture médicale ne pourra pas dépasser 750$. OK. Ça, on restreint un petit peu le budget là-dessus. C'est ça. Ça, c'est pas mal, je vous dirais, la grosse affaire qui s'est passée au dernier CA. Et c'est écrit par Vincent Cheval, qui couvre également, qui a couvert le débat. Donc, c'est lui, notre nouveau journaliste attitré à la JUCTR. Exactement. Parce que Marie Labrousse n'a plus le temps. Ben là, à un moment donné. Non, c'est comme... en plus, elle est étudiante à la maîtrise, assistante de recherche, donc... Tu vends beaucoup Marie Labrouche, toi. Ben oui! Tu fais bien. Ben, on fait une belle équipe, je pense. Ben oui. Ben oui. Donc, on est rendu... Est-ce qu'on est encore en actualité? Page dévoile... Oui, il y a eu le communautaire, c'est salutaire. Ça, c'est une espèce de... Je dirais pas de congrès au colloque, parce que ça dure juste un après-midi, mais c'est 56 organismes communautaires qui se sont réunis au 10-12 pour parler de leurs associations. Mm-hmm. C'est comme une foire, c'est comme des petits cubicules où tu peux aller te présenter. Une exposition, c'est encore mieux. Ben oui, ça permet justement aux étudiants de connaître des endroits pour faire des stages ou pour avoir un emploi aussi. Ouais. Et ça, c'est organisé par des étudiants de l'UQTR, ce qui leur permet également d'avoir de quoi se leur CV en tant que leader organisateur. Il y a également aussi en actualité, est-ce qu'il y a autre chose? Mais il se passe trop de choses au mois de mars. Je sais pas. Oui, donc, conférence, la publication scientifique à l'ère des fake news. Et oui, parce qu'il y a eu une conférence qui s'est donnée par rapport à ça. Et par rapport aux revues scientifiques, parce qu'il y a comme une espèce de type de revue qui dit aux chercheurs, regardez, tu payes 3 000$ et je vais te publier. Mm-hmm. Sauf que c'est pas très, très honnête intellectuellement. Non. Ouais, non. Il y a également aussi le colloque multidisciplinaire des cycles supérieurs quand l'intellectualité entre en scène. Ça, c'est organisé par la GQTR et ça permet aux étudiants des cycles supérieurs d'avoir une expérience de conférencier. Puis ça, c'est très pratique, par exemple, quand tu vas après ça aller dans des plus gros colloques comme l'ACFAS, par exemple. Donc, il y a également une entrevue avec Michel Lamy, qui est co-chef des Jeux de la communication. Ça, quelque chose que Tania connaît bien, je crois. Oui, un petit peu trop, en fait, je pense. Donc, c'est bon. Elle a passé beaucoup de temps là-dessus, les jeux de la com. Donc, c'est pas mal, ça, pour l'actualité. Oui, après ça, en spectacle. Oui, donc, avant que je perde moi-même la voix, parce qu'on sait qu'on quand des jeux de communication, tu perds la voix. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tania l'a vécu. Oui, c'est dommage qu'on n'aille pas le doigt avec Thérèse Montcalm. Elle veut pas de nous, je pense. Ah, Thérèse. Thérèse, tu nous écoutes. Donc, au niveau, en fait, sur le plan des chroniques, Anthony Morin. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des écrits de sa part. Chronique sexologie, un peu. Oui, il nous explique, en fait, son titre, au fond, pourquoi le fait-on? Évidemment, on parle pas de gâteau au chocolat ou de cuisine, mais de le sexualité. Fromage feta. Ah, OK, non. Oui, ben... Pourquoi le feta? Ouais. Pourquoi le feta? Oui, pourquoi le feta? Ben, pourquoi? Parce que c'est bon. Oui, avec ça. Des olives... C'est grec, hein? Tomate. OK, puis si on revenait à l'article? Oui. Oui. Donc, pour expliquer, en fait, que la sexualité, c'est pas nécessairement du fromage. Ouais. Donc, Anthony nous explique différentes raisons qui font en sorte qu'on a le goût de passer à l'acte. Oui. Donc, ça peut être des raisons biologiques. De faire squick-squick, comme on appelle. Oh! Oh! drôle. Merci, merci. Donc, Anthony nous explique pourquoi les êtres humains... En fait, que ce soit au niveau sexuel, juste au plan affectif, il y a plusieurs raisons qui motivent à deux personnes au moins à se coltiner. Donc, c'est très scientifique. En fait, il n'y a aucune... C'est pas du tout pornographique. C'est vraiment expliqué de manière scientifique. J'imagine qu'on parle des phéromones. Petit peu, oui. Il explique aussi que, en fait, au niveau des hormones, chez les gars, chez les filles, il y a des petites différences, mais pas tant que ça. Un petit peu, mais pas tant que ça. Bref, on en apprend beaucoup sur la sexualité avec Anthony. Toujours. Non, merveilleux. Oui. C'est important de bien se connaître. Ouais. Et autre chronique, Antoine Ricard Lapointe nous parle de son amour pour le bicycle, pour la bicyclette. Il nous en a parlé un petit peu à l'émission il y a quelques temps de cela. Oui, donc, en fait, Antoine nous explique les avantages d'une bicyclette et pourquoi il faudrait que ton auto, tu l'utilises pas trop souvent. Puis même le gouvernement libéral provincial a même décidé d'investir dans le transport commun, notamment de faire des plus belles routes aussi. Donc, le côté voiture, ça commence de plus en plus à être pas nécessairement abandonné, mais Antoine nous apporte son point de vue personnel. Puis il dit aussi qu'on peut se procurer des vélos pour gratuit ou pas cher dans la ville de Trois-Rivières. Il y a également l'éditorial de Pedro. Donc, l'humain approximatif, c'est le nom de son éditorial. Il, pour une évolution inclusive de la langue française, sujet qui fait couler beaucoup de ponts chez notre lecteur. Couler beaucoup de ponts, oui. Ben, en fait, oui, parce que. Comme dans Battleship. Parce que ça brasse tellement que c'est plus de l'eau, c'est des ponts qui s'écroulent, qui coulent. Comme des cordées. C'est ça. Mais, en fait, j'ai fait un péronisme en disant ça. Un péronisme? Oui, Jean Perron, qui est un commentateur sportif qui réinventa à sa manière les expressions. Oui, oui, mais de nos jours, on appelle ça faire un Charles Patnaud de soi-même. Oui, ou un péronisme. Oui, ou un péronisme. Donc, nous explique, en fait, son point de vue sur l'écriture inclusive. Donc, l'écriture inclusive, en gros, c'est quoi? C'est de s'assurer que le féminin et le masculin soient tous les deux inclus de manière... Oui, exactement. C'est pour ça que dans les grands titres du Zone Campus cette année, là, ça dit « chercheurs ». Oui, mais... Parce que c'est chercheurs et chercheurs. Mais là, on le fait un peu moins dans les titres. C'est sûr que visuellement, ça peut être un peu bizarre au début, mais on s'habitue tranquillement. Puis il y a d'autres manières aussi. Il y a, en fait, le principe de proximité. C'est-à-dire, par exemple, tu dis « les étudiants et les étudiantes », le mot qui suit va être au féminin parce que le dernier mot est féminin. Ou si les étudiantes et les étudiants... puis après ça, t'as le mot masculin, c'est parce que le mot est au masculin, parce que le dernier mot est masculin. Je sais pas si tu me comprends. Ouais, je comprends. Donc, ce moyen-là aussi, il y a également plein d'autres moyens d'utiliser, par exemple, au lieu de dire les étudiants et les étudiantes, la communauté étudiante. Ouais, ben oui. Ou, par exemple, dire lecteur électrice, l'électorat. Mm-hmm. Donc, il y a ce moyen-là aussi, il y a plein de trucs. Je pense que j'aime mieux ce moyen-là. Ben, pas mal. Moi, j'utilise le plus de moyens possible pour pas juste. Des fois, quand c'est inévitable d'utiliser l'écriture inclusive, j'utilise parce que je trouve pas d'autres mots quand je corrige des textes. Mais on essaie de diversifier pour montrer justement que la langue permet d'évoluer. Puis une langue, faut qu'elle évolue. C'est comme ça qu'elle permet d'être vivante. Je veux dire, la langue française au 16e siècle et maintenant, c'est pas pareil du tout. C'est ça. Puis même, dans les années 50, si on écoute les vox pop dans les rues... Dans les archives de Radio-Canada, entre autres. Je veux dire, les gens roulaient beaucoup leur air. En fait, faut que ça évolue. On n'a pas le choix. C'est vrai, ça. Il y a également aussi Jessica Marchand et sa chronique sportive, parce qu'on a deux chroniques sportives. Et Jessica se demande pourquoi les bancs, quand les Patriotes jouent, sont vides. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un problème et elle offre quelques solutions. Par exemple, renforcer davantage les activités étudiantes. Enlever des bancs. Ah non, c'est pas ça. Laisser les gens y aller et avoir une certaine partie de... Ben oui, puis en plus, ça coûte quasiment rien. Oui. Ça coûte rien quand t'es étudiant. Ouais, étudiant, rien du tout. Non, c'est ça, fait que ça vaut la peine, allez-y. Mm. Mais là, c'est sûr que la saison des Patriotes est terminée. Ouais. Mais l'année prochaine, pensez-y. Mettez ça à votre agenda pour l'année prochaine. Mm-hmm. Donc, autre chronique également, il y a Judith qui nous parle de l'autobiographie au théâtre parce qu'il y a eu à Montréal la pièce de théâtre, De la détresse à l'enchantement, qui est une adaptation du livre de Gabriel Leroy, l'auteur Mentobène. Mm-hmm. Et Judith nous explique ce qu'elle en pense de cette pièce de théâtre. Parce que, en fait, c'est l'expression qui dit « On peut sortir un livre de Judith, mais on ne peut pas sortir la littérature de Judith. » Donc, c'est pour ça qu'elle nous fait une chronique théâtrale. Ah, d'accord. Mais en lien avec le... Ça reste la littérature, mais oui. Ben oui. Donc, le gars qui parle de cinéma, ça, c'est la chronique de Louis-Étienne Villeneuve. Mm-hmm. Et il nous parle, et mon accent espagnol va peut-être m'assortir, Una Mujer Fantástica. Ah, c'est beau, non? J'essaie. Je ressens mes cours d'espagnol de troisième secondaire. Parfait, ça. Et qui nous parle, justement, de transsexualité, de transgenreisme aussi. Mm-hmm. Et comme quoi le film l'a beaucoup touché. Et il pine, je m'excuse de l'expression, Lady Bird. Ah, OK. Le film à succès. Oui, mais lui, il l'a pas trop aimé, donc il en profite pour tacler Lady Bird. Donc, c'est correct, il a le droit à son point de vue, puis c'est important aussi. C'est un chroniqueur, hein, pas un journaliste. Oui, puis... Oui, exactement. Et Magali nous explique la pollution numérique en quelques clics, comme quoi nos belles bébelles technologiques polluent. Oui. Nous explique des solutions de rechange. C'est dans sa petite chronique plein air, ben pas plein air, excuse-moi, voyons, éco-responsabilité. Oui, exactement. Ouais. Et là, on est rendu en art et spectacle. Oui. La Luître, les demi-finales ont commencé lundi. Mm-hmm. Donc là, c'était les bleus contre les rouges. Et qui a gagné, pour le savoir, lisez le texte de Marianne Chartier-Boulanger. Indice, c'est les rouges. Bouh, j'ai perdu le lectorat à cause de toi, bouh. Désolé. Bouh. Toi, tu nous enlèves des codes d'écoute en ce moment. Pourquoi? Ouais. Ben, tant mieux. C'est donnant-donnant. C'est ça, donnant-donnant. Oui. Je reçois, je redonne. Je suis comme Chantal Lacroix. Oh, wow! Donc, il y a également... Marianne Chartier-Boulanger nous explique son périple au Salon du Livre. Okay. Et le Salon du Livre, le dimanche, c'est pas mal engagé. Parce qu'une table ronde, notamment avec Biz, Christine Beaulieu, Natacha Canapé-Fontaine et Alexandre Jardin, qui était le président d'honneur. Mm-hmm. Donc, nous expliquer leur vision des choses. Il y a également aussi un livre sur le végétalisme intégral. Donc, le mouvement vegan en anglais, ça veut dire que c'est pas seulement au niveau, sur le plan de la nourriture, mais également ce que tu portes comme vêtements, ce que tu consommes comme produit aussi. Bien, le végétalisme intégral, c'est pas juste au niveau de la nourriture, mais au niveau de ton mode de vie aussi. Mmh. C'est le terme français. D'accord. Donc, et c'est pas le véganisme. Non. On pourrait dire véganisme, mais l'OQLF préfère qu'on dise végétalisme. Ouais, mais l'OQLF, il va falloir qu'il s'adapte, hein? Je sais, des fois, c'est le conflit entre l'OQLF et Antidote. Mm-hmm. Mais bref, tout ça pour dire que Marianne Chartier-Boulanger nous fait un rapport de sa visite au Salon du Livre. Cool. Il y a également les Mardis de la relève numéro 3 qui est en fait très, qui a été très rock mardi dernier. Donc, parce que c'était trois Ben Rock et c'est le groupe, il y a un des groupes qui a gagné parce qu'à chaque semaine, il y a 8 demi-finales, si je ne me trompe pas. En fait, quart de finale, après ça, c'est le demi-finale et après ça, c'est les finales. Ça dure quand même quasiment 2 mois au moins, 2 mois et demi. Et en fait, le groupe, je vous dévoile ça dans quelques instants, qui ira en demi-finale. Donc, c'est le groupe Three Headed Giant. Oh. Et vous allez pouvoir voir ça, mieux connaître les autres groupes aussi qui étaient Rose, Garage et également aussi Memory Lane. Memory Lane. Et là, on remarque aussi que Shawinigan est très dynamique au niveau musical. Ah oui? Ah oui, il y a beaucoup de groupes Shawinigané qui vont au Mardi de la relève. Kay Meia, qui est en fait une exposition qui a lieu au Centre Pauline Julien jusqu'au 22 avril et c'est une collaboration entre des étudiants de leur corps qui est le département sur en fait le corps, l'appropriation du corps et les troubles alimentaires avec des artistes en art visuel qui font ensemble une exposition. Et ça, c'est pour la deuxième année de film de suite. Donc il y a également aussi spectacle aux énormes Lakes of Canada et Prosper Fauché qui est deux groupe 2 artistes complètement différents, Lakes of Canada qui est plus dans l'indie pop et Prosper Fauché qui est plus dans le rock, bluegrass, blues un petit peu aussi et également le spécial Mario Party de la Luitre. Aha, ça c'est le fun. Au sport. Oui, sport. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est important, c'est les fins de saison parce que là, les Patriots ont bouclé leur saison, c'est officiel depuis de série, rien. Même s'il n'y a pas eu de série au hockey, ça a brassé quand même. Ah oui, des choses. C'est palpitant. Palpitant? Oui, palpitant. T'en mets trop. Ah non? Non. Non, pas assez même. Ah oui. J'en beurre pas assez épais. Ben d'abord, on va commencer par le volleyball, l'équipe féminine, parce qu'il y a juste une équipe féminine de Patriotes. Sont encore championnes cette année pour une deuxième année d'affilée, donc bravo les filles. Ouais. Il y a également aussi cheerleading sont arrivés deuxième. Okay. En fait, ça fait l'inverse de l'année dernière. C'est-à-dire que cheerleading, on commence très fort l'année dernière pour finir, je pense, troisième, tandis que là, cette année, Cheerleading ont été l'équipe dernière dans leur ligue, mais là, ils ont fini deuxième. Donc, c'est très satisfaisant parce qu'ils sont passés dans les derniers au premier. Donc, bravo équipe Cheerleading. Là où est-ce que ça brasse, c'est le soccer masculin. Oui. Ben oui. Oh boy. Et ça va pas bien. Hein? Non. J'ai passé une soirée complète à essayer de resserrer parce que ça saisit tout le monde, je pense. Ouais, on parle de l'Université Laval. C'est oui. Ça? Contre les Patriots, c'était la finale parce qu'il y a eu la demi-finale le samedi, ça s'est bien passé. Que les Patriots ont gagné. Oui, hein, exactement. Ben ouais. Et les Patriots, en finale, ont perdu contre l'Université Laval, malheureusement, contre l'Université Laval, Gérard. Qui était un petit peu baveuse comme équipe, disons. Oui, il y a la foule aussi qui a alimenté l'espèce, pas de colère, mais parce que j'étais pas là, malheureusement. Mais il y a eu beaucoup de... Il n'y a les pas insultes. Eu de grabuge, il n'y a pas eu tant que ça de violence, non. Mais il y a eu beaucoup, je vous dirais, des doigts d'honneur. Doigts d'honneur, bras dans les airs d'envoyer là, ça a l'air qu'on par rapport au gardien, on leur a dit quelque chose d'insultant. Puis ouais. Là, ça, il a mal pris ça, il a mal géré ça. Bref, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ça a l'air que l'Université Laval exige quand même une lettre d'excuse. Absolument. Donc, on aime quand même l'attitude des dirigeants là-dessus. Et c'est dommage pour les Patriotes qui ont eu à perdre contre une équipe aussi. Mais d'ailleurs, même si les Patriotes, à un moment donné, ont été un petit peu plus pompés, que la tension a augmenté, il paraîtrait que l'entraîneur, quand même, ça se fait de l'attitude de ses joueurs. Oui, très bien. Shani Black, qui est le nouvel entraîneur, qui a quand même su mener très loin l'équipe masculine de soccer, donc à surveiller cet automne. Qui a fait beaucoup de changements entre les joueurs, apparemment, en deuxième période, de ce que j'ai entendu dire. Il y en a qui se posent la question, est-ce qu'elle aurait dû laisser les joueurs qui étaient bons là à la place de les remplacer? Mais bon, rendu là, c'est une question subjective. De la part de l'entraîneur. Mais ça explique pas pourquoi il y a eu autant d'échafourés. Et voilà. C'est tout. C'est tout. Merci, David Ferron. Ben, ça fait plaisir. On suit le Zone Campus sur zonecampus.ca, oui. Sur la page Facebook. Il y a tous plein d'autres sujets qui vont être couverts d'ici la semaine prochaine. Ben oui, parce que le format papier sort. Oui, ça, ben, c'est vrai. Format papier la semaine prochaine. Ben hein, oui. C'est important, le papier. Le journal sort jamais, sauf que là, on a un congé de Pâques, il faut travailler. Oui, exactement. Ça, c'est pas de ma faute. Je sais. Merci, David. Étant donné qu'on a un petit peu de manque de temps, on va y aller tout de suite avec ta superbe carte Bleaching. Oui. C'est la cave tout bleaché de David Ferron. Salut David. Salut. Ta petite chronique musicale, là, de, on sait pas trop où ça s'en va ces histoires-là. Des fois tu nous parles de l'Eurovision, mais apparemment pas cette fois-ci. Non, il y a une thématique bien commune. Il faut que je devine. Ben oui. Parce que là j'ai vu les pièces, il me dit, as-tu remarqué la thématique? Les pièces s'appellent... Les pièces sont Apple, ouais. Mm-hmm. Get Some. OK. Et Best Friend. Faut pas nécessairement regarder les titres. Ah, mais là, j'ai pas les noms des artistes, moi, là-dedans. Ah, Rakes Up, ouais. Sophie Tucker. Ouais. Et j'ai pas la troisième. C'est Lickley. Lickley. Lickley. Ouais, Lickley. Oui. Ça a l'air que ça se prononce comme ça. Ouais, j'ai cherché moi aussi, puis c'est non, Tania essaie d'avoir un indice. Ben non, j'essaie de rentrer dans le canevas, merci. Faut les chansons. Et voilà, parce qu'il faut que je cache l'indice. OK. Ah, ben honnêtement, je sais pas c'est quoi. Lickley, Rakes Up et Sophie Tucker. Ouais. J'irais des noms difficiles à prononcer avec des accents bizarres. Ça? Entre autres. Entre autres. Parce que ça montre l'ouverture d'esprit de ce point commun dont on parle depuis tantôt. Donc, je vais vous présenter les chansons. Dont on parle depuis tantôt. Oui. Ouais, je sais pas, là. My God, là, on a parlé de simplement les articles du Zone Campus. Ouais, c'est ça. Parce que j'avais quand même introduit un petit peu comme quoi j'allais dire la thématique là. Ouais. Je le dis pas là, je présente les tunes. OK. Bon. Puis après ça, tu vas nous révéler la thématique. Après. Ouais. OK. Donc, d'abord, il y a une chanson qui est sortie en 2003 qui s'appelle Apple de Rakes Up. Ouais. Il y a également aussi une chanson qui est sortie 2010-2011 qui s'appelle Get Some de Lickley. Mm-hmm. Et l'autre chanson, c'est Sophie Tucker avec Best Friend. Okay. Ouais. Écoute juste un petit peu un extrait de Best Friend. Ça va peut-être t'allumer quelque chose. Extrait de Best Friend. Oui. Genre au milieu de la chanson, pas au début, c'est ouais, ça? Oui, parce que ça va peut-être t'allumer. OK. Way past 65. We made a language for us to. Regarde ton téléphone. Fais-le bouger. Le son de la musique. Je te gâche que c'est des chansons dans des publicités d'Apple. Oui! Hey, c'est ça, bravo! Cool! J'aime ça, j'ai hâte d'entendre ça, toute la gang. Waouh! Ouais. Mais on a parlé de quoi tantôt pour que tu arrives à dire qu'on a parlé de ça depuis de son, le début? De son téléphone, de son gadget dans la crise. Ouais, étant donné que Tania et moi, on est des déserteurs, on est rendus avec des Android, donc je voulais me faire pardonner. Ah! T'es trop fin! Oui, je le sais. Puis mais je me suis dit que les gens. T'es pas obligé de le cacher, David. Il y a encore la main sur la feuille pour pas qu'on voit le ouais. Mot. Mais pourquoi est-ce que tu t'es écrit toi-même la thématique, tu la connais? Tu l'écris sur ta feuille, genre la thématique Apple? Non, c'est le site internet où que vous pouvez retrouver toute l'historique des chansons. Apple.com/la pub, genre? Pas tout à fait, c'est applemusic.info. Oh, nice! Oui, puis depuis que Apple existe, depuis que Apple fait des publicités, mm-hmm. vous avez toute la liste des chansons. Ah, il y en a des tonnes ça, en plus! Oui. Puis même dans les WWDC, je pense. Oui, les World Wide Developers Conference. Oui, il y a même les tonnes. Utilisé sur la scène. Oui. Oui. C'est vraiment bien. Puis d'ailleurs, Apple a été joué en 2013 parce que, en fait, je vais vous expliquer dans quelle publicité. Oui. Malheureusement, j'ai pas trouvé les deux plus vieilles publicités. Okay. J'ai essayé de les chercher, je les ai pas trouvées. C'est pas nécessairement, je pense qu'il y en a, je sais pas si c'est le cas là-dedans, mais qui est pas nécessairement dans une pub, mais qui est dans l'installation de macOS ou ben, OS X à l'époque, il me semble. Hey, c'est quoi ça déjà? Il y a les deux sur AppleMusic.info, si je me rappelle bien, ils font ça aussi. Ouais, ou ils ont essayé d'envahir YouTube aussi, il y a quelques annonces en appel. Mais tu joues pas du YouTube ce matin? Non. Est-ce que c'est vraiment obligatoire? Non. Non. Salut les fans de YouTube. Salut. Donc, Apple de Rakes Up, qui est un groupe suédois que j'adore. Mm-hmm. Suédois ou islandais, mais je pense que c'est suédois. Donc, c'est sorti en 2003, donc c'est notre doyenne des chansons. Et c'est sorti dans le Computer Setup Music Mac OS X. Tu vois, exactement ça. C'est l'installation d'une des versions de OS X, le système d'exploitation des Mac. Panther! C'est vieux! Oui, c'est très vieux. La 10.3, on est rendu à la 10.13, on s'en va vers la 10.14. Là. On changera jamais à 11, hein. C'est tout le temps 10. Ben, on sait pas, peut-être que, vu qu'Apple va être révolutionnaire, ben oui, mais plus vrai. Vraiment parce que Steve est mort. Ah, oh, franchement. Ah, je le sais, mais c'est vrai. Mauvaise foi. J'ai raison. Là-dessus. Donc, 2000... C'est bien précisé, juste là-dessus. Et ça a été rejoué également la pièce Apple en 2013 durant, en fait, la WWDC Playlist. Cool. Donc, ça a l'air qu'ils ont même des listes musicales de WWDC. Ouais. C'est peut-être disponible sur Apple Music, faudrait que je vérifie ça. C'est ça, c'est ce qu'ils jouent lors des conférences où ils dévoilent les nouveaux produits. Ben oui. Sur la scène, il y a de la musique qu'ils jouent des fois. Donc, ouais. C'est là qu'ils l'ont refait jouer. Oui, la deuxième chanson qu'on va écouter, c'est Get Some de la Suédoise Lickley. Mm-hmm. Donc, ça s'écrit L-Y-K-K-E-L-I, mais les E à la fin, il faut les prononcer. Ouais. Donc, c'est Lickley. Et c'était durant le iOS 5, la promotion du iOS 5. Mm-hmm. Ça fait longtemps. Dans une publicité pour iOS 5. C'est vieux, c'est 2011. Mm-hmm. Mois de juin 2011. Vous avez même les mois. Hey, hein. avec les pièces et l'événement. Donc, allez voir sur applemusic.info. Également, la plus récente, donc, qui est Best Friend de Sophie Tucker, qui d'ailleurs, Sophie Tucker va sortir bientôt un album. C'est un groupe que j'adore. C'est un groupe? Même si ça s'appelle Sophie Tucker. Oui, parce que Sophie Tucker, en fait, ça vient de Tucker. Je vais juste vérifier le nom du duo. Parce que c'est un duo. OK. Donc, c'est un... Je vais vous le prononcer. C'est S-O-F-I pour Sophie et Tucker. Parce qu'il y en a un qui s'appelle Tucker et l'autre Sophie. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est formé, en fait, de Sophie Hollywell et Tucker Alpine. Et les arrangements, en fait, électroniques, les espèces d'arrangements électroniques de Tucker, ça torche. Allez voir les vidéos live de Sophie Tucker. Sophie Tucker, je le prononce S-O-F-I. Tucker, T-U-K-K-R. Ouais. Donc, ça vaut la peine. C'est vraiment un groupe qui brasse et vous allez être de bonne humeur. Cool. Ben, on écoute les trois de suite. Oui. Dans la carte bleachée de David Ferron. Ah, que je l'aime donc, celle-là. Oui. Ah, oui, oui. We'll be right back. some. Sophie Tucker avec Best Friend. Oui, une excellente chanson. Oui. L'autre chanson qui est un petit peu plus crue. Les deux étaient crues, là. Ça, c'est We Got Some Shit To Do. On peut se le dire, s'il vous plaît. L'autre, I'm c'est... a prostitute. You won't get some. You won't get some. C'est ça qui arrive avec certains fans d'Apple. Ah, c'est des chansons, on rappelle la thématique. Suisse, c'est dans ouais. Steve Jobs est peut-être mort le son, c'est pas. Non, ouais. Ben pas non. Faire de blague. Ben non. Non. Parce que, en fait, c'est sûr que Best Friend de Sophie Tucker s'est sorti l'année passée, mm-hmm. puis Steve Jobs, il est mort depuis un bout. 2011, je pense. Ouais, je pense que oui. Sinon, c'était Get Some de Lickley. Ouais. Oui, et il y avait avant Apple de Rooksop. Absolument. Merci David pour cette thématique à Apple dans ta carte bleachée. Ça fait plaisir. C'est très bon ça. Ouais. AppleMusic.info pour ceux qui veulent des informations sur toutes les chansons utilisées par Apple dans leur campagne publicitaire.